j'étais malade, oui mais ça c'était avant. On me racontait des salades, j'étais chez le médecin tout le temps. Maintenant que je suis sur Twitter, je suis plus manipulé. J'écoute plus que ta chaleur, Casasnovas et Montagnier. Alors faut que je vous explique. Pour pas que Big Pharma vous nique. Je bois des jus. Mon cancer de cul. J'ai soigné mon ulcère. En caressant des pierres. Je bois mon pipi pour guérir ma myopie. J'avale des granules. Oh, je veux pas comment, je sais comment. Vois chez le médecin pour qu'il m'injecte leur vaccin. Activé par la 5G pour contrôler mes pensées. Depuis que je pratique le jeûne, je me suis fait plein d'amis. C'est vrai qu'on a un peu tous le seum et un peu faim aussi. Pratique la détox avec les cocktails de Thierry. Terminé les levothyrox, les statines et compagnie. Alors faut que je vous explique. Oh oh. Pour pas que Big Pharma vous nique. Je bois des jus pour mon cancer de cul. J'ai soigné mon ulcère en caressant des pierres. Je bois mon pipi pour guérir ma myopie. J'avale des granules. Oh, je veux pas comment, je sais comment. Je bois des jus, je bois des pour mon cancer. Bonsoir tout le monde, je fais un petit test son pour vérifier que vous m'entendez avant de couper la musique. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le chat est présent? Test ok, le son est ok. Alors à ce moment-là, nous allons pouvoir passer sur... Très les collègues qu'on devrait pouvoir entendre et nous sommes normalement à l'écran. Si tout va bien, oh, je vais arrêter la musique. Je vais regarder si c'est joli. On va vérifier que le retour est correct, mais normalement l'habillage est plutôt pas mal, le son c'est bon. Est-ce qu'on entend les invités, Jérémy? Présente-toi s'il te plaît. Soir, JD, comment tout le monde va? Ça va? Est-ce que c'est bon au niveau du son? C'est pas trop fort. Sauf si je tousse dans le micro, bien évidemment. Oui. C'est pour vérifier que tout va bien. JD, ok. Ok, c'est très bien. Alors, moi, c'est formidable. Je me gère la technique, je laisse JD faire les présentations, je vérifie que tout est stable. On va s'occuper de tous les consultés, les consultants, pour une nouvelle consultation aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler spécifiquement d'un truc qui semble être à la mode, c'est-à-dire tout ce qui est virologie, tout ce qui va être variant et tout ce que ça peut éventuellement impacter sur notre prise en charge. Pour commencer cette consultation, on va commencer par parler de ces dames et d'une invitée désormais récurrente. Oui, ça nous fait plaisir de la voir, on l'aime beaucoup. Mais oui, ça fait plaisir. Nous accueillons Tania Louis. Bonsoir Tania, comment vas-tu? Bonsoir, ça va très bien. Parce que tu vas te rien, présenter ça fait, parce que un mois et demi que tu es venue la dernière fois. Ouais, c'était en décembre. Ouais, c'était en décembre. C'est ça. Et c'était cool. Ouais, tu étais avec Karine, c'est ça? Avec Karine Lacombe. Ouais, avec c'est ça. C'est... Grâce à vous, je rencontre toute ma tweetlist. C'est merveilleux. C'est formidable. Hein. Et je vous remercie d'ailleurs pour les remarques épouvantables, les remarques épouvantables que vous faites à propos de Karine Lacombe, tout ça. Vous êtes vraiment monstrueux. Hein. Donc, je vous en remercierai jamais assez. N'hésitez pas à regarder ce qui se fait et à répondre parce que ça devient pénible. Donc, Tania, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Dans ma vie, j'ai fait une thèse de virologie fondamentale et c'est un peu pour ça que je suis là, du coup, cool. Ce soir. Et parce qu'on t'aime bien 5 aussi. Aussi. C'est ça, par copinage, je triche. Et accessoirement, ça fait 5 ans que je suis médiatrice scientifique et j'ai sorti un livre sur les virus juste avant le deuxième confinement. Mon Dieu, la folle histoire des virus par Tania Louis, préfacée par qui déjà? Postfacé par Étienne Klein. Postfacé, d'accord. Rien que ça. Étienne Klein, d'ailleurs, si vous nous écoutez, on vous reçoit à la consulte quand vous voulez. On vous aime, venez nous voir, on est gentils. Vous êtes dans notre cœur. Et c'est très bien. Et encore un habitué, parce que tu es déjà venu. Oui. Biohospitalix, est-ce qu'on peut te susnommer ou pas du tout ou... Oui, vas-y. Oui. Je reviens, je vais chercher quelque chose. Je n'ai pas quelques secondes. Susnomme-moi. Il est susnommable. Donc, Jérôme, tu es. Est-ce qu'on décline le CV? Tu vas nous dire les choses. Hein. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Je suis biologiste hospitalier, comme mon nom l'indique, oui. Dans les Alpes, où il y a des chalets en bois, comme vous le voyez. C'est formidable. Et biologiste hospitalier de terrain et plutôt enviro. Ça va introduire le monsieur qui est à côté, là, Sébastien Hans, qui était mon chef de clinique quand j'étais interne. Donc, il est plus vieux. Il est plus vieux. Et pourtant, il a l'air de faire soleil chez lui. Donc, ça va nous permettre... Sébastien Hans, hein, en tout bien tout honneur, évidemment, l'introduction ne se fait pas comme ça, demandé avant. Donc, Sébastien Hans, qui es-tu? Que fais-tu? Parce que c'est la première fois que tu viens chez nous. Oui, bonsoir à tous. Merci de m'avoir invité ce soir. Oui, j'ai travaillé à l'époque avec Jérôme, et il y a quelques années de ça. Et je suis donc actuellement professeur de virologie et praticien hospitalier au CHU de Limoges. Formidable, hein. Très, très bien. Eh bien. Écoutez, c'est formidable. Ça nous paraît une bonne présentation. On va pouvoir commencer sur ces bails-là. Une question très, très simple. Là, actuellement, on parle beaucoup des variants, du variant anglais, du variant sud-africain. C'est quoi un variant? Ça paraît con, mais… Je suis de retour. C'est merveilleux. Tu es parmi nous. Donc, c'est une question pour variant. Les fondamentalistes. Ah bon? Alors, je ne sais pas si Tania veut d'abord initier. Oui, mais oui, c'est du fondamentalisme. C'est parti, allez, on y va. Pour comprendre la notion de variant, il faut avoir en tête ce que c'est à peu près un génome viral. En gros, comme nous, les virus ont des génomes, des séquences d'informations qui sont sous la forme de molécules qu'on appelle l'ADN ou l'ARN, mais honnêtement, peu importe, juste ils ont un génome qui est une séquence d'informations qui permet, quand ils infectent une cellule, de la pirater pour produire de nouveaux virus. C'est le mode d'emploi de comment faire de nouveaux virus. Sauf que ce mode d'emploi ne permet pas de produire des outils de reproduction extrêmement fiables. Donc, à chaque fois qu'un virus infecte une cellule et qu'il est multiplié, ces copies portent des modifications. Donc, les nouveaux génomes viraux portent ce qu'on appelle des mutations, des petits changements qui sont aléatoires. Et en fait, tous les virus sont des variants. Contrairement à, on dit toujours que dans notre corps, à nous, toutes nos cellules ont le même génome, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Mmh. En fait, en virologie, tous les virus, toutes les particules virales d'un virus donné ont des génomes un peu différents. D'accord. C'est ça qu'on appelle des variants. Et là, ceux qui font l'actualité en ce moment, ce sont des variants particuliers parce qu'ils deviennent de plus en plus nombreux en proportion dans les populations humaines. D'accord. C'est normal qu'il y ait plein de virus différents. D'accord, donc il y a des virus qui sont différents. Mais là, qu'est-ce qui différencie le Covid-19? Parce qu'il y avait des Covid-19, à mon avis, EcoPlus, machin, des trucs un petit peu Covid-19 variants, mais pas trop méchants. Et là, c'est des variants qui ont l'air plus vénères. Et pourquoi ils sont plus vénères? Tout est dans le qui ont l'air plus vénères. D'accord. Parce qu'en fait, on est un peu revenu quasiment un an en arrière, là, ouais. Dans un domaine où la connaissance est en train de se construire, donc ils font un peu marcher sur des œufs. Ce qui est sûr, c'est qu'on s'est rendu compte que ces versions-là du virus, donc versions, variants, peu importe, hein, y a des débats un peu sur le terme, prennent de plus en plus d'importance. Au départ, elles sont apparues ponctuellement et puis elles commencent à représenter des proportions non négligeables des patients infectés. Ça, c'est ce qui est sûr. La question, c'est pourquoi. D'accord. Et dans le pourquoi, une des raisons potentielles, c'est qu'ils pourraient être plus contagieux. Alors, il y en a au moins un, le variant anglais, pour lequel ça a été démontré de façon plutôt robuste par plusieurs méthodes indépendantes. Pour les autres, honnêtement, comme ça change toutes les 12 heures, je ne sais pas où ça en est. Mais, Non, mais c'est vrai, ça change littéralement toutes les 12 heures. Il y a un variant californien aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc, le variant anglais, bien. Je suis sûre et certaine qu'on a montré qu'il est effectivement plus contagieux. Pour les autres, ça se discute parce qu'en fait, un virus peut aussi se répandre par hasard. Il s'est retrouvé au bon endroit, au bon moment, chez quelqu'un qui a été au centre d'un événement de supercontamination. Et d'un coup, paf, le variant se répand sans qu'il ait forcément une plus grosse contagiosité. Donc le hasard joue un rôle là-dedans. Une des raisons, ça peut aussi être d'être plus contagieux. Ce qui est important de comprendre, c'est que les... c'est comme j'essayais de l'expliquer, c'est imaginez que c'est la Coupe du Monde de rugby ou de foot ou de ce que vous voulez. Quand il y a un variant qui, d'une manière ou d'une autre, émerge parce qu'il a un fitness, qu'il est plus contagieux, parce que s'il est plus contagieux, il va contaminer plus de monde et il va éliminer les autres, et bien il gagne. C'est-à-dire que là, au tout début, il y avait un variant chinois, le variant européen a gagné contre le chinois. Après, l'anglais a gagné contre l'européen, le sud-af gagne contre l'européen, et puis là, on est en finale de la... peut-être en finale, ou peut-être qu'on est au troisième tour, il y en aura encore, on ne sait pas. Là, c'est sud-af contre anglais, on va voir qui gagne. Je mettrai une pièce sur les anglais. Mais je ne sais pas, Sébastien, si tu mets une pièce sur les anglais ou les sud-africains, on verra, mais le variant anglais, en tout cas, a l'air bien contagieux. Donc, on est plus sur du Johnny Wilkinson que sur du sud-af, quoi, visiblement. Ouais. C'est bien. C'est très, très bien. Et on n'a pas de Charente. Un peu décevant quand même. Hein. Qu'est-ce que fait Ségolène Royal ? Donc la France se pose. Donc, ok. Donc aujourd'hui, il y a un variant anglais qui a de importance. Là, aujourd'hui, moi, il était à 7 ou 9%. Je recommence parce qu'on a eu un petit peu de freeze robot là. Donc, il faut que tu reprennes ta question. Très bien, je reprends ma question. Donc, aujourd'hui, on est sur du variant anglais, là, qui a priori compose 7 à 9 % des enquêtes qui ont été réalisées, ces enquêtes flash. Comment on sait qu'à un moment T, il y a tant de proportions d'un variant ou je ne sais pas quoi ? Comment que ça marche, l'histoire ? Il y a des gens qui séquencent, mais ils sont vachement plus intelligents que moi. Alors, qui c'est juste... qui séquence ? Si tu veux, je peux dire un mot sur le sur l'ASO. Alors, en fait, pour ces enquêtes flash, en fait, il est demandé à un jour donné ou deux jours donnés, de séquencer effectivement tous les cas positifs trouvés sur le territoire par les différents labos. Alors, il y a ceux qui peuvent le faire eux-mêmes, il y a ceux qui ne le peuvent pas et qui, du coup, transmettent leur échantillon pour être testé dans un laboratoire où le séquençage peut se faire. Donc, le séquençage, pour faire dire ça en quelques mots, c'est effectivement l'analyse de la composition de ce qu'a expliqué Tania, qui est le génome de chaque virus, et de voir effectivement si, en fonction de ce qu'on retrouve au niveau de l'analyse, on va se rapprocher plus de la souche de variants qui était à l'origine, qu'on appelle sauvage, ou bien effectivement de ces variants avec tel ou tel variant. Et ensuite, toutes les données sont collectées, remontées, et on peut déterminer hein, comme ça la proportion de variants, c'est-à-dire le nombre de variants sur le nombre total de cas positifs sur un jour donné. Alors, effectivement, c'est des enquêtes qui sont... Enfin, c'est assez lourd à faire. Donc, on fait ça, effectivement, sur un relevé ponctuel. Et ce qui avait été montré, là, sur la première enquête, enquête flash, il y a une dizaine de jours, c'est qu'on a eu effectivement autour de 2% au niveau national, avec effectivement des régions qui montaient jusqu'à quasiment déjà 10% de variants. Donc, ce qui témoigne effectivement de cette circulation importante. Et ce que je voulais juste rajouter par rapport aux propos très clairs de Tania sur la notion de variant, c'est qu'en fait, ces variants, ils circulent déjà probablement dans le monde depuis plusieurs semaines, voire peut-être même plusieurs mois. Et qu'après, effectivement, c'est des circonstances un petit peu dues au hasard qui font qu'à un moment donné, ce variant, comme il a une capacité à se multiplier plus facilement et à se répandre d'un individu à l'autre, qui va émerger. Mais effectivement, cette notion de variant, c'est quelque chose qui est très classique chez tous les virus, a fortiori encore plus fréquente chez les virus donc à ARN, avec un génome codé par de l'ARN, comme les coronavirus en l'occurrence, le SARS-CoV-2. Et donc, c'est quelque chose qui survient à chaque fois que le virus se multiplie. Et comme malheureusement, il n'a pas vraiment les capacités de corriger ses erreurs, et bien en fait, si l'erreur conduit à une amélioration, ce que Jérôme appelait fitness, c'est une amélioration de sa capacité à se multiplier ou à se transmettre, ou voilà, en fonction de la pression de sélection qui peut être exercée. Voilà, on drop les noms, il faut balancer les termes. La pression de sélection, on les a quasiment tous faits là. Donc, j'étais à deux doigts de sortir l'avantage sélectif. Ça avait l'air d'être chaud là, mais voilà. Mais est-ce qu'on peut parler d'avantage sélectif dans ce cas-là ? Est-ce qu'un variant devient prédominant seulement quand il y a un avantage sélectif ou il y a d'autres choses ? Il y a le hasard. Le hasard ? Ouais, le hasard, ce qu'on appelle les effets fondateurs. D'accord. J'ai frisé ? Non. Ou les effets de population, c'est ce que je disais. S'il y a un variant qui se retrouve à infecter une personne qui va être dans un événement de super contamination, bah, il va toucher d'un coup plein de gens sans forcément avoir davantage. Donc ça peut être le hasard. Ça peut être plus contagieux de façon générale. Ou ça peut aussi être, et ça c'est ce qu'on suspecte notamment par rapport à ce qui se passe au Brésil, être plus capable de déjouer la mémoire immunitaire. Parce qu'en fait, on fait apparaître des nouvelles pressions de sélection. Quand on a on a dit, hein, ça y est, on utilise les mots, donc on y va. Il faudra peut-être définir tous ces termes, parce que juste, j'ai tiqué là-dessus, parce que, on en a parlé en off, mais il y a cette fameuse petite intervention du professeur Delfrécy qui mélange des choses qui sont parfaitement pertinentes à des notions qui sont un petit peu plus essentialistes et un petit peu plus comment dire, téléologiques, qui sont un peu embêtantes. Il faudra définir tous ces termes, parce qu'on a quand même des gens qui nous suivent et dans qui on a besoin de définir, voilà, qu'est-ce que c'est qu'une pression de sélection, comment ça se fait, pourquoi c'est sélectionné, enfin voilà, c'est ce genre de choses. Non, mais il y a moi aussi, je ne comprends rien. Hein, donc, simplement. La base de la base. Ah oui, non, mais moi... Qui est la même pour les virus que pour nous, globalement. Oui, donc, oui. Ce sont des entités biologiques comme les autres de ce point de vue-là. L'idée, c'est qu'il y a plusieurs étapes. La première, c'est l'apparition de mutations. Donc, c'est ce qu'on disait, des changements dans le génome. Et ça, pour les virus, c'est assez systématique. Hein. Dès que le génome est recopié, il y a des erreurs dedans. Les coronas corrigent certaines, mais pas toutes. Et comme ils ont des gros génomes, au final, ils font quand même des erreurs à chaque fois. Et ça, c'est un processus qui est aléatoire. Les mutations, elles apparaissent à des endroits aléatoires du génome. Ensuite, les virus qui portent ces mutations, il peut leur arriver trois choses différentes. Ou bien ces mutations sont des handicaps, ce qui est la situation la plus fréquente, hein, en fait. Et du coup, les virus qui les portent arrivent à se multiplier moins efficacement que les autres et disparaissent. Donc ça, c'est la majorité des cas, mais c'est ceux qu'on ne voit pas, en fait. Hein, parce que du coup, les virus concernés disparaissent. C'est ça. L'autre possibilité, c'est que la mutation soit neutre, c'est-à-dire qu'elle ne change rien, concrètement, aux avantages ou aux inconvénients du virus. Et à ce moment-là, il n'y a vraiment que le hasard qui va déterminer la façon dont elle se répand dans la population. Mmh. Et la troisième possibilité, c'est qu'une mutation confère un avantage à un virus qui, du coup, va devenir de plus en plus important. Voilà, ça, c'est pour le principe mutation-sélection. Mmh. C'est la même chose pour les humains ou dans une échelle de temps beaucoup plus longue. Hein. Le fait de pouvoir se lever et de voir dans la savane un peu plus loin que le bout de son nez a été une pression de sélection qui a fait que notre espèce a pris le dessus, etc. Donc c'est tous les êtres vivants qui sont là-dessus, sauf que le coronavirus ou n'importe quel virus se multiplie de milliard en milliard toutes les 5 minutes, ce qui n'est pas tout à fait notre cas. C'est ça. Ce qu'il faut voir, c'est que nous, on met des dizaines d'années à faire un nouvel humain. Le coronavirus, il met quelques heures à en faire des milliers, voire des millions, voire des milliards. Donc forcément, ça va beaucoup plus vite. Et l'autre chose qui est importante, c'est que la pression de sélection, donc c'est-à-dire la chose qui fait qu'une mutation va être avantageuse, désavantageuse ou neutre, elle peut changer en fonction de la situation. Le coronavirus, quand il a commencé à circuler, là, personne ne l'avait jamais rencontré, donc personne n'avait de mémoire immunitaire. Il est rentré comme dans du beurre. D'accord. Maintenant, il y a des endroits où il y a des gens qui ont été infectés en grande proportion. C'est le cas de la ville de Manaus au Brésil, dont on a pas mal parlé. Donc, qui ont en bonne partie une mémoire immunitaire contre ce virus. Et ça, c'est une nouvelle forme de pression de sélection. Il y a un an, un virus qui était capable de déjouer le système immunitaire n'avait aucun avantage par rapport à un virus qui en était incapable, puisque personne n'avait de mémoire immunitaire. Aujourd'hui, à certains endroits du monde, ça devient un avantage. Mais Tania, qu'est-ce que ça veut dire une pression de sélection ? En gros, une pression de sélection, c'est les contraintes de l'environnement. C'est-à-dire, moi, par exemple, si vous essayez de me faire respirer sous l'eau, je vais mourir. Je suis très, très nulle pour résister à cette pression de sélection-là. Voilà. Non, mais je caricature, mais c'est l'idée. Je suis médiatrice scientifique. À l'inverse, un poisson, vous sortez de l'eau, vous mettez dans l'air, il va mourir. Bah, le milieu dans lequel on vit exerce sur nous plein de pressions de sélection. Tout à fait. Les autres formes de pression de sélection qu'on connaît plus fréquemment, c'est éventuellement les traitements. Pour l'instant, on est un petit peu à court pour le SARS-CoV-2, mais effectivement, si on a un jour un traitement, eh ben on pourra à la suite voir émerger des variants avec des mutations qui rendent le virus résistant à ce traitement. Ça aussi, c'est une, voilà. Alors, donc là, aujourd'hui, ce que tu es en train de dire, c'est qu'à Manaus, comme tout le monde a été infecté, c'est comme si le virus prenait des bombes plein sa journée. Attends, ralentis. Recommence. Excuse-moi. Donc, je disais donc au Brésil, excusez-moi, c'est un peu instable, au Brésil, à Manaus, comme les gens sont massivement immunisés, c'est comme si le virus il prenait des bombes tout le temps dans sa gueule, en permanence, et qu'en gros, le truc qui va survivre, c'est des trucs où les bombes ne marchent pas sur lui, et donc des virus un petit peu différents. C'est ça que tu... Attention quand même à Manaus, les études de séroprévalence, où on dit que 60 ou 70% des gens l'ont eu, c'est sur les donneurs de sang. Séroprévalence, c'est-à-dire les gens qui sont positifs. Oui, qui ont des anticorps et d'accord. qui ont déjà rencontré le virus. C'est sur des donneurs de sang. Les donneurs de sang, ce n'est pas monsieur tout le monde. Les donneurs de sang, c'est des gens qui vont donner leur sang pendant une période de pandémie, donc qui ont peut-être un peu moins peur de sortir. Et il n'est pas certain, je n'ai pas vu des... qui montrait cette séroprévalence en population générale. Donc, on n'est pas non plus certain qu'à Manaus, ils étaient à 70% en population générale. Ils sont à 70% chez les donneurs de sang. Pas tout à fait pareil. Alors, moi, je vais me permettre de citer Dirty Biology pour bien fixer cette notion d'évolution, d'accord ? Cette notion de théorie de l'évolution qui est extrêmement mal comprise. Moi, le premier, hein, il a fallu de rencontrer des gens qui m'ont mis des taquets pendant plusieurs mois pour que j'arrête de dire n'importe quoi sur la sélection naturelle et trucs comme ça pour bien comprendre ce phénomène. Et je vais vous utiliser un exemple pour bien vous expliquer ce que ça représente. Je vais citer Dirty Biology. Pensez, est-ce que la modification qui est apportée à l'organisme, peu importe ce que c'est, que ce soit un gros ou un petit, est-ce que cette modification va permettre à cet organisme de faire plus de bébés que son voisin ? S'il arrive statistiquement à ne faire que 0,1 bébé de plus que son voisin, si vous faites ça sur plusieurs générations, il va devenir prédominant. Et donc ça veut dire que cette mutation, cet avantage évolutif, va prendre le pas sur tout le reste. Ça, c'est comme ça que fonctionne la sélection naturelle et c'est comme ça que fonctionne la dissémination d'une information dans une population. Et cette pression de sélection, c'est un élément de l'environnement qui va favoriser un groupe pour avoir plus de bébés. Alors, ce n'est pas forcément une mutation, c'est peut-être juste un caractère acquis qui, en dehors de certaines conditions, ne va pas être favorisé. Et le meilleur exemple pour ça, c'est l'exemple des phalènes du bouleau, qui est l'exemple peut-être le plus connu pour expliquer la pression de sélection. Les phalènes du bouleau, bah, c'est des papillons, ils ont la couleur de l'écorce des bouleaux. Donc l'écorce des bouleaux, vous voyez, hein, c'est blanc, plutôt tacheté, voilà. Donc ils se posent dessus, les blancs, bah, ils passent inaperçus. Et de temps en temps, il y a des individus, des phalènes qui sont noirs. D'accord ? Bon, bah, les noirs sur le blanc des bouleaux, ils se font bouffer tout de suite. Donc ces individus-là n'ont pas d'avantage évolutif, ils ont plutôt ils ont un handicap, donc ils disparaissent, mais ils existent toujours. Il y a toujours dans la population certains qui vont apparaître comme ça. Au moment de la révolution industrielle en Angleterre, il y avait beaucoup de poussière de charbon dans l'atmosphère et donc ça a recouvert l'écorce des bouleaux en noir. Moralité de l'histoire, les papillons qui étaient blancs de base se font becquer, mais les noirs, eux, survivent. Et donc, ce qui était un désavantage évolutif, vu la modification de l'environnement, devient un avantage évolutif et donc ce sont les noirs qui ont pu, les papillons noirs, qui ont pu se développer plus facilement. Voilà, on a eu une pression de sélection, c'était le changement de couleur des troncs d'arbres, et cet avantage évolutif, qui n'était pas forcément un avantage au départ, mais les conditions ont changé, font que l'avantage évolutif et que la pression de sélection donne un avantage à ces papillons qui sont devenus la population dominante, jusqu'à ce qu'on arrête les poussières de charbon, et donc la population blanche revienne, et on a de nouveau des phalènes du bouleau qui sont redevenus blancs. C'est ça, le principe de la pression de sélection et de la sélection naturelle. Il faut vraiment réfléchir comme ça. Le meilleur exemple pour ça, c'est qu'on me dit toujours, moi je suis chirurgien maxillofacial, j'enlève des dents de sagesse, et un truc qu'on me dit toujours, les dents de sagesse, ça ne sert à rien, elles vont disparaître avec le temps parce qu'elles ne servent à rien. Sauf que ce n'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Est-ce qu'avoir des dents de sagesse vous permet d'avoir plus ou moins de bébés ? Si cette question, c'est non, alors à ce moment-là, le caractère ne va pas disparaître. Si cette question est oui, à ce moment-là, oui, il va se modifier. Mais bon, dans la vie de tous les jours, un plot twist, avoir ou non des dents de sagesse ne va pas du tout modifier votre capacité à avoir des enfants. Donc les dents de sagesse, on va les garder toute notre vie et dans notre futur, parce qu'il n'y a pas d'avantage ou de désavantage, là pour le coup, à les avoir. Voilà, c'était juste pour bien cibler le principe de la pression de sélection, de qu'est-ce que c'est que la sélection naturelle et comment fonctionne un avantage ou un désavantage évolutif. Et là-dedans, il y a un élément important qui ressort et qu'il faut garder en tête, je pense, par rapport aux variants du virus dont on va entendre parler, c'est que les pressions de sélection, elles changent dans le temps. Oui, c'est des éléments qui peuvent être extérieurs. Voilà, c'est vous introduisez beaucoup d'antibiotiques dans une population, les bactéries qui vont devenir résistantes à ces antibiotiques vont pulluler, et c'est comme ça qu'on a des bactéries qui sont de plus en plus résistantes. Ça peut être des éléments extérieurs, c'est pas forcément la pression n'est pas forcément quelque chose qui est toujours là, ça peut être quelque chose qui apparaît d'un coup, une contrainte extérieure. Voilà, c'est tout. C'était juste pour bien cibler ça, parce que c'est vraiment l'élément le plus central à comprendre pourquoi il y a des variants qui deviennent plus ou moins dominants en dehors de d'autres mécanismes un peu plus complexes, mais globalement c'est vraiment peut-être le truc le plus central pour comprendre l'évolution des variants. Et donc, enfin, est-ce qu'on va tous crever avec ces variants? Parce qu'en fait, tout le monde s'en fout à part ça. C'est la vraie question. Pourquoi ces variants ils sont plus dangereux? Parce que ça, c'est un truc que je pige pas. Pourquoi le variant anglais il est plus dangereux? Qu'est-ce qui va changer fondamentalement dans le match? L'histoire. Alors, première question, c'est est-ce qu'ils sont plus dangereux? Et oui. Oui, aujourd'hui, ce qui a été montré, a priori, c'est la plus grande facilité de transmission. D'accord. C'est a priori un fait. Peut-être une infectiosité plus qui va toucher peut-être plus les jeunes et les enfants, mais pour l'instant, pas forcément vers des formes plus graves, mais en tous les cas, peut-être se répandre plus facilement dans cette population-là aussi. Ouais. Mais on en est là aujourd'hui. Après, il n'y a pas d'impact majeur évidente sur la gravité des formes, tout sujet confondu. Après, c'est sûr que statistiquement, s'il affecte plus de personnes, il va toucher plus de personnes âgées et on va avoir un taux de mortalité plus élevé. Mais ça, c'est en proportion du nombre de cas infectés. Et c'est une figure qui circulait sur les réseaux sociaux qui était vachement intéressante là-dessus, qui montrait qu'en fait, un variant plus mortel, il va tuer plus, mais il va tuer plus de façon linéaire. Alors qu'un variant plus contagieux, mais aussi mortel, le taux de mortalité va augmenter avec les cas, c'est-à-dire de façon exponentielle. Donc en fait, un variant plus contagieux est plus dangereux qu'un variant plus mortel. Ce qui et ça, ce n'est pas intuitif, mais c'est important de l'avoir en tête quand même. Et ce qu'il faut comprendre aussi, ouais, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on est contaminant avant d'être malade. Et donc, un variant plus mortel ne ferait pas forcément plus de dégâts parce que quand on est mal, ce n'est pas le moment où on voit le plus de monde. C'est avant qu'on voit... il n'y a pas d'avantage évolutif à être plus mortel. Les virus les plus mortels ne sont pas ceux qui se transmettent le plus facilement. Sauf un qui est le killer game, sans traitement, c'est le VIH. Le VIH, il est tellement long à tuer son hôte qu'il le tue à tous les coups. Mais pendant ce temps-là, tu as le temps d'en contaminer un paquet. Oui. Sympa. Il est sympa, ce VIH. On l'adore. Hein. On est fan, Patrick. Alors que de l'autre côté, un virus pas très, très intelligent, c'est le Ebola. A tué tout le monde en moins de 5 minutes. Il n'y a pas trop le temps, heureusement, de contaminer tout. Parce que c'est intéressant de parler de ça, parce que ça va dépendre comment tu estimes ta mortalité. Si la mortalité, c'est en valeur absolue, c'est-à-dire le nombre de personnes que le virus a tuées, effectivement, la contagiosité est fondamentale à ce niveau-là. Par contre, si c'est la proportion... entre guillemets, la propension du virus à tuer son hôte, c'est autre chose. Et il y a moyen de différencier ça. On parle de quoi? On parle de létalité, on parle de mortalité, on parle de... Il y a un terme qui est consacré pour parler de cette capacité du virus à plus tuer son hôte ou pas? A priori, c'est ça qu'on désigne quand on parle de mortalité en général. Hein. On normalise par le nombre de personnes infectées et pas par la population globale. D'accord. Je ne crois pas avoir déjà vu passer des chiffres normalisés par rapport à la population. Mais pour reprendre l'exemple du VIH, imaginez un VIH qui tuerait son hôte de manière obligatoire en 5 à 10 ans et qui se transmette par voie respiratoire. Écoute, on serait dans la merde. Voilà. Là, vous avez un virus qui est en soi assez peu mortel. Hein. Je ne sais pas les derniers chiffres, mais on est à 0,5% ou 0,05%. Alors, dans la population générale, on est à 0,5%, je crois. Et en CFR, on est entre 2 et 2,5%. J'ai refait les calculs hier soir parce que, à l'heure actuelle, de ce qu'on a mesuré, on est en CFR, donc Case Fatality Rate. On est à 100 millions d'infectés dans le monde et on a 2 millions de morts. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un virus qui aurait le fitness d'un des meilleurs virus comme la varicelle, on l'a tous eu, avec la varicelle a une mortalité, alors je n'ai pas le chiffre, je ne sais pas si tu l'as, Sébastien, mais c'est faiblissime, on est à 0,0000 quelque chose. Il infecte tout le monde sans tuer. Là, le coronavirus, on peut penser, alors je ne sais pas si le seuil d'immunité sera vraiment à 60 ou 70, 70%, j'ai l'impression que non, il sera plus élevé que ça. Mais à la fin, sur 7 milliards de terriens, faites le calcul, c'est pas la fin de l'humanité, quoi qu'il arrive. Sur un VIH qui serait transmissible par voie respiratoire, ça aurait été plus méchant. Après, le corona, il a une fourberie en plus, à laquelle moi, je m'attendais pas, pour le coup, venant de la virologie fondamentale et n'ayant aucun lien avec tout ce qui est hospitalier et médical. C'est qu'il ne tue pas beaucoup, mais il envoie beaucoup à l'hôpital quand même. On est sur à peu près 10% C'est ce que j'ai expliqué dans un tweet il y a quelques jours. Une épidémie de coronavirus en 1900, elle n'aurait pas fait grand-chose en France. Parce qu'avec une espérance de vie à l'époque à 48 ans, sur des gens qui mouraient d'autres choses avant, les plus de 75 ans auraient été négligeables. C'est pour ça qu'on a les pyramides morts, par exemple, à Madagascar, qui sont négligeables, en fait. Voilà. Par contre, parce que c'est toujours pire, la même épidémie, et là c'est où je loue la science, la même épidémie en 1990 ou 1995, à l'époque où Sébastien était déjà jeune à MCUPH. C'est pour moi, ça. la classe. Voilà, la classe. Moi, j'étais encore en sixième. à cette époque-là, ça aurait fait des dégâts, parce que pour avoir été interne au début des années 2000, les PCR, on les faisait en gel d'agarose. Et puis, on n'en aurait pas fait 3 millions dans la journée. Hein. Quant au vaccin par technologie ARN messager, c'était un doux rêve de virologiste fondamental un peu enfumé. Ouais, d'accord, mais la même épidémie. La circulation de la population n'était pas la même. En 1990, elle se rapprochait de maintenant. La même épidémie au début des années 2000 ou à la fin des années 90 aurait fait des dégâts bien plus importants qu'elle en fera actuellement. Oui, c'est sûr. Et en plus, on portait des kawaii et des sacs bananes, alors imagine. Enfin, non, c'est affreux. Les années 90, hein, c'est pas magique. Hein. Et puis, on n'avait pas le numérique pour pouvoir faire ce qu'on est en train de faire actuellement. Alors, on n'aurait pas eu les réseaux sociaux pour faire de la merde comme on peut en faire actuellement. Bref, il y aurait... Mais ça aurait été probablement une épidémie d'un tout autre type et qui aurait été probablement beaucoup moins agréable à vivre qu'actuellement. Ouais. Parce qu'il faut le revoir. Hein. Il n'y a pas Netflix, il n'y a pas le haut débit, il n'y a pas... Certes, on va peut-être se reconcentrer sur la virologie. Donc moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est sur ces virus, sur ces variants, pourquoi est-ce qu'ils nous préoccupent autant? Qu'est-ce qui va poser problème et quel est le défi que ça va poser en suivant? Et pourquoi c'est important de savoir à quelle proportion ils sont là? C'est une question pour les professeurs. Ça. C'est une question pour les gens intelligents? Bon, bah, écoutez, je passe. La problématique, c'est que quand un variant aujourd'hui, bon, si c'est la meilleure arme pour lutter contre cette pandémie, ça reste la vaccination. D'accord. Dans les outils qu'on a aujourd'hui. Le problème, c'est qu'effectivement, la question est de savoir si on sera toujours protégé avec le vaccin actuel contre un éventuel variant. D'accord. Alors, il semblerait, ça c'est plutôt la bonne nouvelle pour l'instant, qu'on serait protégé vis-à-vis du variant anglais, mais peut-être nettement moins vis-à-vis déjà du variant sud-africain. D'accord. Donc, ce que ça voudrait dire, c'est que s'il y a un variant contre lequel les anticorps qu'on a fabriqués suite à la vaccination, si on n'est plus protégé vis-à-vis de ce variant, bah, il y aura deux choses. Un, on va pouvoir être recontaminé. Et deux, il va falloir éventuellement réenvisager une nouvelle vague de vaccination avec un vaccin adapté à ce nouveau variant. D'accord. Et c'est là qu'on est content d'avoir des vaccins ARN. Pardon ? Et c'est là qu'on est content d'avoir des vaccins ARN. Voilà, et c'est là qu'on est content parce qu'effectivement, ils ont une adaptabilité beaucoup plus grande que les vaccins qu'on connaissait jusqu'à présent. Donc, ce seraient des vaccins qui seraient divalents, voire trivalents, c'est-à-dire qu'il y aurait à la fois le vaccin contre le Covid standard, puis le Covid britannique, puis le Covid fondusky et tout le bazar, c'est ça ? Alors, après, il faut voir quel est l'intérêt de développer des vaccins multivalents, parce qu'effectivement, s'il y a un variant qui redevient majoritaire, comme on l'a évoqué tout à l'heure, c'est contre celui-là qu'il va falloir développer essentiellement le vaccin. D'accord. Sur cette nouvelle technologie ARN, j'avoue que je ne sais pas quelles sont les possibilités technologiques pour développer du multivalent. Personne ne le sait, hein, ça n'a jamais été fait. Je ne pense pas, hein. Tania, à moins qu'effectivement... J'en ai jamais entendu parler. Non. J'ai vu un article cette semaine qui disait que justement, les questions se posent beaucoup plus tôt que prévu. Parce qu'effectivement, le principe du vaccin ARN, c'est d'injecter donc, la séquence qui correspond à la protéine de surface du virus et que nos cellules fabriquent cette protéine de surface pour que notre système immunitaire la reconnaisse et puisse développer des anticorps protecteurs contre celle-ci. Et donc, effectivement, on met un type, enfin, on met une séquence donnée d'ARN qui va coder la protéine d'une souche de virus, donc en l'occurrence actuellement la souche d'origine, la première qui a été découverte. Oui, vas-y. Aujourd'hui, on n'a pas les connaissances techniques pour savoir si on peut effectivement mettre plusieurs séquences d'ARN dans cette protéine qui correspondrait aux différents variants, pour éventuellement développer une réponse contre les différents variants. Ça, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'essai développé dans ce sens. Il y a un autre souci qui est que là, on a eu les premiers vaccins à ARN. Globalement, si on change la séquence, même un tout petit peu pour s'adapter aux nouveaux variants, a priori, il faut refaire des essais cliniques. Tout à fait. Bien sûr. Donc on repart quand même pour... La technologie est facile à adapter, mais après, il y a quand même toute la phase d'essais cliniques. Vous êtes sûr qu'il faut refaire tous les essais cliniques 1, 2, 3, y compris les phases 1 et 2 ? Il y a des discussions en cours là-dessus pour essayer de raccourcir un peu comme pour la grippe, d'avoir un cahier des charges qui permet d'avoir qu'une partie des trucs à faire, mais pour l'instant, il n'y a rien qui est acté. Il y avait la question dans le chat... C'est, en gros, si ça mutait complètement et que le Sud-Africain gagnait et que le vaccin n'était plus efficace, est-ce qu'il faudrait de nouveau attendre un an pour avoir 1 million de doses en Europe Un an, non, parce que... Ça serait plus court quand même. Ça prendra... Voilà. Ouais. Alors moi, je veux juste faire une note. Ce dont il faut bien prendre conscience, c'est que les vaccins à l'heure actuelle, ARN, messagers, qui sont développés, se base sur le code génétique du premier virus décrit, en fait. C'est sur la souche de Wuhan que c'est fait. C'est pas sur les différents variants européens. Donc, à l'heure actuelle, le virus utilisé, enfin le modèle de virus utilisé, c'est l'un des premiers séquencés, si je me trompe pas. C'est l'un des premiers séquencés. Oui, ils ont lancé les tests, les productions, etc. Janvier, ouais. En janvier. Hein. À l'heure actuelle. Le vaccin qui fonctionne contre ce qui circule en dehors des variants un petit peu qui sortent du lot fonctionne sur un virus qui a déjà un an de diffusion à travers toute la population mondiale et ces différents variants qui ont déjà émergé et qui existent déjà. Et ils restent efficaces. Donc, mais c'est même ce qui ressort des derniers tests qui ont été faits. Alors, je crois qu'il y en a eu par Moderna eux-mêmes qui sont sortis cette semaine, oui. Où j'ai regardé la synthèse, mais je ne suis pas allée voir les données brutes. Mais en gros, ces vaccins sont tellement efficaces en termes de quantité de réponse immunitaire et de mémoire immunitaire qu'ils induisent, que même pour certains variants qui font beaucoup diminuer l'efficacité, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup moins bien reconnus que la souche initiale, ça assure quand même une protection. C'est-à-dire qu'on a des vaccins qui marchent tellement bien que même si en fait le virus esquive un peu, ça ne suffit pas à échapper à la mémoire immunitaire. Donc ça, c'est plutôt rassurant a priori. Oui, parce que j'ai vu passer un truc qui disait que Moderna avait testé son vaccin et qu'il était efficace à la fois sur le variant britannique et sur le variant sud-africain. Je ne sais pas ce que ça vaut, j'ai pas regardé les datas non plus, mais ça avait l'air d'être plutôt rassurant. J'ai pas vu de data sur Pfizer. Je sais qu'il est efficace sur le britannique, a priori. Enfin, il y a eu des tests préliminaires. D'ailleurs, je n'ai pas très bien compris comment est-ce qu'on sait que le vaccin est efficace en fait, sur un variant. On le teste comment les fondamentalistes. Sébastien, tu veux y aller? Oui, pourquoi pas. Oui, alors pour tester, effectivement, on va tester des anticorps obtenus après vaccination. Qu'on va mettre en présence en fait des différentes souches de virus, des différents variants. Ouais. Et on va regarder effectivement la capacité de ces anticorps à bloquer la multiplication du virus, donc en in vitro, quoi, en laboratoire. D'accord. Et donc comme ça, on peut mesurer. Alors, pour revenir juste sur une précision par rapport au Moderna, je crois qu'ils sont revenus un tout petit peu en arrière en disant qu'il y avait quand même une petite baisse d'efficacité, mais que ça restait quand même protecteur. Il y avait quand même un taux de protection qui était... relativement satisfaisant, avec une petite baisse. Par contre, pour Pfizer, ils étaient un peu plus pessimistes vis-à-vis du variant sud-africain. D'accord. Non, mais bon, j'ai regardé très, très vite, donc... C'est pas mon domaine d'expertise, donc je préfère en discuter. Donc, on fait des études de sérum, mais on le fait que sur une personne. Genre, on prend un sérum, on regarde, ça marche, c'est bien, ou il faut le faire avec plein de... Faut tester plusieurs... Plusieurs sérums, même plusieurs sérums, personnes. D'accord. Oui. Bah, c'est pour ça qu'on est encore sur des données préliminaires. C'est que là, les tests que j'ai vu passer à chaque fois, c'était sur une dizaine, quinzaine de patients. Donc, tout à fait, Tania. Ça donne un ordre de grandeur, mais c'est pas non plus hyper généralisable. D'accord. Et comment on fait pour généraliser ces tests? Il faut le faire massivement in vitro ou on peut faire des trucs en population générale? Ben, c'est compliqué parce que pour aller récupérer les anticorps des gens, concrètement, il faut leur faire des prises de sang. Oui. Et ensuite, au laboratoire, bon, ben, purifier les anticorps à partir de la prise de sang et ensuite faire des tests de virologie. Alors, si j'ai bien compris sur ce coronavirus-là, ils ne font pas les tests sur le coronavirus lui-même parce que bah, comme le virus est un peu dangereux, ça implique de manipuler dans un contexte de sécurité un peu pénible. Ils font ce qu'on appelle... en gros, ils utilisent d'autres virus qui ne sont pas dangereux et ils lui mettent juste la protéine de surface, les différentes versions des protéines de surface qu'on a dans les différents variants, ce qui simplifie quand même grandement le travail en labo et ça permet de tester l'efficacité. Après, la culture virale de coronavirus, ce n'est pas non plus inaccessible. Ah, c'est compliqué, les coronas, c'est gros. Tu en cultives, toi, Sébastien? En gros, c'est un peu pénible. Vous le cultivez, vous? Bah, effectivement, faut être prudent, évidemment, puisque on est sur un pathogène qui nécessite d'être manipulé dans des laboratoires qu'on qualifie de haute sécurité, c'est-à-dire avec des différences de pression et un habillage spécifique. Mais effectivement, on le cultive, oui, tout à fait. Oui, donc c'est faisable, hein. Clairement, c'est faisable. Moi, je faisais du VIH, donc on peut faire du corona. Oui, c'est ça. C'est dans les mêmes conditions de sécurité. Oui, c'est des pétroles. Voilà, c'est quand même un peu lourd à faire. Donc, de ce que j'ai vu, la plupart des tests qui ont été faits pour l'instant n'ont pas été faits sur du vrai corona. Ils ont été faits sur un autre virus avec une spicule de corona directement. D'accord. Mais voilà, ben, il faut bien voir qu'en termes de labo, ben, chaque patient testé, c'est une manip, et c'est une manip un peu lourde. Hein. Oui. Tester à quel point le virus infecte une cellule, ça ne prend pas deux heures... Deux heures à faire. Ça marche. C'est joli, mais c'est tellement joli à faire. C'est beau. C'est ça le sport. C'est ce qu'on veut voir. Bah, tiens, j'ai une question pour les biologistes hospitaliers parce qu'il n'y a pas de raison que tu ne ramasses pas comme les autres. Moi, par exemple, quand je me fais tester pour le coronavirus, on me met la paille dans le nez. Je pleure un peu. C'est normal, a priori. Et on me sort le machin et on me dit si je suis positif pour le Covid-19. Est-ce qu'on peut me dire, en me mettant la paille dans le nez comme ça tranquille, si c'est le variant anglais, le variant belge ou le variant sud-africain? Alors oui, c'est ce qu'on fait, bah, c'est ce qu'on fait systématiquement depuis quelques jours dans tous les laboratoires de France. Alors en gros, on s'est structuré en trois niveaux de laboratoires. Oui. Il y a tous les laboratoires de première ligne qui font énormément de tests, donc c'est eux qui font vraiment 99% des tests maintenant. Et ces laboratoires de première ligne, ils ont généralement des techniques qui vont te dire que tu as la COVID-19, que tu as du SARS-CoV-2, mais sans le typer. Derrière, ils envoient à des laboratoires de deuxième ligne tous leurs positifs, donc des laboratoires de deuxième ligne comme moi je peux l'être, ou comme Sébastien peut l'être, ou comme des gros laboratoires type Biomnis ou Cerba en France peuvent l'être, sur lesquels on va faire ce qu'on appelle des PCR de criblage. Il y a un arrêté qui est sorti ce week-end sur le sujet, pour revenir sur la polémique qu'il y a derrière, parce que ça intéresse... Disons que les arrêtés du ministère le samedi soir à 23h pour application la veille, ça a un côté un peu pénible, mais bon, on commence par solidarité avec l'éducation nationale. C'est ça. Vous avez pareil. Oui, bah, le ministère de la Santé, c'est pareil. Donc c'est un côté un peu pénible. Mais c'est bon. Le ministère de la Santé nous dit ouvre le centre de vaccination, on dit là maintenant, ouais maintenant. Et puis c'est ouvert, et puis on dit il n'y a pas de dose, c'est bon, rentre chez toi, copain. Et tu dis, bon, ben, c'est super, on a passé un excellent moment. Enfin, non, bref. Mais c'est un côté pénible parce que Mais parce que personne ne peut être prêt, et puis surtout que c'est même obligatoire, c'est plus que de le faire. Hein. Mais sur le fond, c'est quand même une bonne idée. Donc ça veut dire que, comme vous l'entendez tous les jours, il y a à peu près 25 000 positifs par jour, et qu'on est largement capable en France de faire 25 000 PCR de plus, PCR de criblage, qui permettent de typer. Alors si, essentiellement, et c'est ce que demande le texte, de vérifier que ça soit du variant anglais. Donc il y a plusieurs techniques qui le font, et notamment une qui a été implantée dans pas mal de labos qui s'appelle Thermo Fisher. Mmh. Et puis il y a d'autres techniques qui sont montées les unes derrière les autres qui permettent de détecter du sud-africain, du brésilien, etc. Et puis il y a une troisième ligne de labos qui sont ceux qui séquencent, donc ceux comme Sébastien, à qui on envoie les positifs de la deuxième zone pour qu'ils puissent les séquencer et trouver le prochain variant. Donc c'est en gros laboratoire de première ligne, laboratoire derrière CHU et gros CH, et puis après CHU qui séquence. Donc c'est Sébastien qui trouvera le variant. Vous êtes en train de me dire que ce n'est pas que l'IHU qui fait du séquençage ? Non, mais alors par contre, alors on peut critiquer Raoult, et je suis le premier à critiquer, mais il y a un truc, il en a fait beaucoup. On parlait avec Sébastien ce matin, et là-dessus, c'est quand même pas mal. Non mais oui, non mais c'est juste pour dire qu'il n'y a pas qu'eux qui le font. Mais ils en ont fait beaucoup, ça non, on peut mais pas bon, leur retirer. Eux, ils ont beaucoup d'argent, ils en font beaucoup, donc c'est bien. Mais regardez le chat, on dit du bien de Didier Raoult. Didier, voilà. Si vous vous souvenez de ma première émission sur ce qu'a fait Didier Raoult à l'époque où j'étais interne en biologie, c'était plutôt pas mal. Je sais, le biologiste, le virologue vieillit mal, mais quelques infectiologues aussi. Mais rien à dire, c'était un maître. Pour Sébastien aussi. Non, il faut reconnaître que effectivement, ils ont depuis très longtemps initié le séquençage, probablement avant beaucoup d'autres CHU. Donc, il faut rendre à César ce qui est à César. Après, effectivement, ce séquençage, il est disponible aujourd'hui dans la plupart des CHU de France, je pense tous les CHU de France, avec effectivement, encore une fois, on doit s'adapter un petit peu au jour le jour, donc tout le monde sait séquencer pour d'autres virus. Après, effectivement, il faut qu'on mette en place les techniques. Donc nous, là, on l'a mis en place ce mois-ci pour séquencer donc les différentes souches. Et quand tu dis séquencer, ça veut dire quoi ? Alors, séquencer, oui, c'est analyser la composition donc, en base, en nucléotide du génome du virus pour voir effectivement, après, pour savoir si on se rapproche, enfin, si c'est une souche qu'on considère comme sauvage, donc sans mutation, ou si on trouve des mutations, c'est-à-dire des différences entre le génome de la souche d'origine et le génome qu'on est en train de séquencer. Et pour retrouver s'il y a ces mutations qui caractérisent les différents variants. Donc ça, effectivement, c'est des techniques qui sont assez lourdes et qui nécessitent aussi du temps. Du temps, de l'argent. C'est des machines qu'on reste à voir un séquenceur maintenant ? Je peux regarder les derniers tarifs et... Après, c'est très variable en fonction des machines, mais on est sur quand même vite plusieurs... Enfin, on est vite sur des dizaines à centaines de milliers d'euros. Et ça prend beaucoup de temps et des compétences assez poussées aussi, ce qui fait que c'est quand même pas aussi évident à mettre en place que sur une simple décision ministérielle. Donc effectivement, il y a quand même un certain nombre de choses à développer. Alors, tout à l'heure, on a parlé un petit peu des PCR de criblage pour essayer de voir si c'est un variant. Alors, cette approche, effectivement, elle peut paraître assez séduisante parce que ça évite effectivement de séquencer tous les positifs. Mais le problème, c'est que ces PCR de criblage ne vont pas pouvoir détecter tous les variants. D'accord. Aujourd'hui, elles sont développées, la plupart peuvent détecter le variant anglais, mais souvent, ça s'arrête là. Donc, effectivement... Après, il faudrait que s'adapter régulièrement et avoir des PCR spécifiques de chaque variant. Et après, ça devient très, très compliqué de faire pour chaque positif, si on a derrière 10 variants, de faire 10 PCR pour cribler les variants. Donc, je pense que ça vaut le coup de rappeler un peu comment ça marche la PCR pour que les personnes qui n'ont pas l'habitude de cette manip se rendent compte de comment on peut repérer des variants. Non, ça c'est faux. Il y a 66 millions de spécialistes de PCR en France. Oui. Dans tous les journaux télévisés, tout le monde est le meilleur. Mais tout le monde le sait que vous faites des PCR à 50 cycles et que ça ne veut plus rien dire de toute manière. Tout le monde le sait. Ah là là, ça va, c'est bon. Non, mais justement, c'est intéressant parce que ces variants ont quand même amené à parler des amorces utilisées en PCR, qui est peut-être le truc dont on avait le moins parlé sur les PCR jusqu'à maintenant. Alors que c'est l'élément essentiel de la PCR, Tania. PCR sans amorce, ça marche moins bien. Non, mais voilà, ouais, on avait vachement parlé du nombre de cycles, etc. Mais les amorces, ça a été passé un peu sous le tapis. Non, c'est parce que j'avais voulu faire ma star dans un film. C'est un autre... Oui. C'est vrai que tu es un peu la star de Hold Up, on ne va pas se le cacher, quelque part. Bref, mais c'est vrai que les PCR, les amorces, c'est intéressant parce que c'est le début, entre guillemets, de la séquence nucléotidique pour que le truc s'accroche à l'ARN, si j'ai bien compris, ces PCR, c'est ça, c'est ça. En gros, pour faire une PCR, ça se base sur le fait que l'ADN, quand on a une séquence, il y a un complémentaire qui vient se coller, qui peut se former spontanément en face. Il faut lui mettre une enzyme et puis on peut faire le complémentaire. Mais ça ne part pas à partir de rien. Il faut qu'il y ait déjà un bout fixé à partir duquel on va pouvoir construire le reste. Et ce bout, c'est ce qu'on appelle les amorces. C'est comme une fermeture éclair, c'est ça ? C'est ça. Il faut que tu aies déjà le bas de ta fermeture éclair accroché pour pouvoir la tirer sur le reste. C'est exactement ça. Si ce n'est que tu en mets deux en face à face, mais sinon, c'est exactement ça. Et du coup, si ton génome de virus est muté et que ton amorce n'est plus exactement adaptée, bah, tu n'as pas le début de la fermeture éclair qui se fixe et du coup, elle ne se ferme plus. Mais du coup, ta PCR Covid, elle est négative à ce moment-là. C'est ça. Et c'est pour ça que sur le variant anglais, ce dont on s'est aperçu, et c'est comme ça qu'il a été détecté pendant un moment et suivi pendant un moment, c'est qu'en fait, on ne fait pas juste une PCR pour chercher le virus, on en fait plusieurs qui sont dirigées contre plusieurs gènes viraux. D'accord. Et le variant anglais, il y a un truc qui a sauté dans la protéine, dans le gène qui code la protéine de spicule, qui était pile à l'endroit où se fixaient les amorces utilisées pour ce truc-là. C'est bien et pratique. Et ça a permis de le repérer parce que du coup, il y avait deux des tests qui étaient positifs et un qui était négatif. Et tu utilises combien d'amorces en vrai, dans la vraie vie ? On en utilise une seule, deux, trois, quatre pour être sûr que c'est du Covid-Covid ou Bah, en France, on a été assez intelligent là-dessus. De demander à ce qu'il y ait au moins deux couples d'amorces, hein, généralement sur, alors pas toutes sur la protéine S, hein, la plupart l'ont fait sur la protéine N et sur quelque chose qui est plus commun à tous les coronavirus, mais Thermo Fisher l'a fait, en a mis trois couples d'amorces et a rajouté la spicule. Donc c'est comme ça qu'on faisait et qu'on devrait continuer à faire malgré les injonctions du ministère. C'est quand il manque la protéine S, on a actuellement, hein, le 26 janvier 2021, hein, ce sera peut-être pas valable dans 6 mois, quand même une bonne chance qu'on soit en phase de variant anglais et une bonne chance qu'il faille agir tout de suite et pas dans 3 semaines. Ça marche. Je me permets de mettre dans le chat pour régler tous les problèmes de oui, les cycles de PCR, gna gna gna. Alors, les biologistes, vous allez m'arrêter tout de suite, d'accord ? Bon, allez, je vais débunker le... Mais personne n'a rien dit. Personne n'a rien dit. Oui, mais comme ça, les gens, ils se posent la question. Non, mais pour débunker Hold Up. Arrête de parler aux complotistes qui n'existent pas. Mais je ne parle pas aux complotistes, je parle aux gens qui se posent des questions. Pour le débunker Hold Up et le procès qui m'a été fait par l'ami Trotta, c'est que la PCR initiale du CNR qui nous avait été donnée allait jusqu'à 50 cycles, ce qui est totalement inutile d'ailleurs dans la plupart des cas, mais qui permet d'avoir non pas de détecter des choses jusqu'à 50 cycles, mais de pouvoir voir, de laisser l'amplification se faire jusqu'à la fin et de pouvoir détecter des choses qui sortiraient vers 35 cycles. Alors 50, c'est peut-être un peu... Moi, j'ai jamais fait PCR jusqu'à 50, je n'avais pas très bien compris pourquoi le CNR l'avait fait. Tous les fabricants de PCR derrière se sont arrêtés à 40 ou 45 et ça suffit amplement. Mais c'était pour dire, parce que c'était un procès qui nous était fait à l'époque, de dire que les PCR n'étaient pas assez sensibles, et rappelez-vous sur la première vague et qu'on ratait 30% des cas, c'était de dire qu'au contraire, nos techniques étaient très sensibles. Une PCR, c'est très sensible. C'est pas plus compliqué que ça. Alors ça, c'est la première chose sur les 50 cycles. Donc 50 cycles, ça veut dire à chaque cycle, vous multipliez la quantité qu'il y avait initialement par 2 au coefficient d'efficacité de la PCR près, mais on va dire par 2. Ce qui fait qu'à la fin, bah, vous avez multiplié la quantité initiale d'ARN ou d'ADN de 2 puissance 50. D'accord ? Mais ça ne veut pas dire qu'on ait besoin de monter jusqu'à là. Après, il y a ce qu'on appelle les CT, on entend de plus en plus parler. Donc, c'est le moment où visuellement l'automate arrive à voir que c'est positif. Donc, plus il arrive à le voir tôt, plus il y avait initialement d'ARN dans le prélèvement. Et c'est comme ça qu'on arrive à suspecter alors, initialement, on parlait des super excréteurs, des super spreaders, qui avaient des CT. Moi, je ne sais pas combien tu as eu, Sébastien. Moi, j'ai eu des records mon record était à 8 CT. le plus bas. On est autour de 12. De ce que... Ouais, mais chez, sur Rabot, ils descendent vachement bas. Et encore ce matin, j'en ai eu 2 ou 3 à 12 CT. Donc, j'ai envie de dire, l'alpiniste a l'air d'être beaucoup plus sécrétant quand même. Hein, ça... Non, c'est aussi technique. Chez Abbott, ils font la somme des deux cibles pour déterminer. Donc, on est sûrement un peu plus bas. Mais généralement, chez Argen ou chez les autres, on est effectivement sur les super spreaders à peu près à 12 CT. La plupart des gens sont positifs à peu près à 20 CT, hein, du grand classique, entre 20 et 25. Et après, on a des positifs faibles vers 35 CT, qui sont généralement des gens qui sont infectés depuis longtemps et qui sont en queue d'infection. Donc, depuis peu, la Société française de microbiologie nous demande de rendre au-dessus de 35 CT positifs faibles pour des raisons, parce qu'ils ne sont plus spécialement contagieux et on peut quand même les sortir de l'hôpital. Je ne sais pas si tu veux compléter, Sébastien, là-dessus, mais c'est une estimation semi-quantitative de la charge virale qu'il y avait initialement. Oui, tout à fait. Alors, juste pour reprendre, le CT, effectivement, c'est bien c'est le moment où on détecte et ça correspond à un nombre de cycles, tout simplement, hein, juste pour faire le rappel. Ce qu'il faut bien imaginer aussi, c'est que quand vous faites une PCR, vous allez détecter le génome du virus et non pas savoir si le virus est encore capable d'être contagieux ou pas. C'est cette notion qui est importante de comprendre. Et quand on est sur des valeurs très élevées de CT, ce qui correspond à des quantités de virus très faibles, il se peut aussi qu'on soit, comme le disait Jérôme, en fin d'infection et où finalement il reste un peu de matériel génétique du virus, mais qu'à ce moment-là, il n'y ait plus de production de particules virales qui puissent venir contaminer un autre individu. Donc, ça veut dire qu'on peut gratter du virus mort et avoir un truc très positif alors qu'il n'y a pas grand-chose. Non, pas très positif. Faiblement positif, mais en effectivement, fait, c'est pour ça que... CT, ça veut dire que ça sort tard et qu'il y en avait peu au début. D'accord. C'est un peu contre-intuitif, mais plus le CT est élevé, moins il y en a. Oui, d'accord. Merci Tania de cette précision. C'est important. Mais on a une amplification de moins. On a un cycle d'amplification de... Enfin, quand quand on me fait le truc dans le pif, là, je sors le machin, je reçois mon résultat de Covid-19, il y a marqué faiblement positif. Ça veut dire que j'ai le Covid ou j'ai pas le Covid, ou j'ai un Covid nul, ou... C'est vrai, en gros, ça veut dire résultat faiblement interprétable. Non, il y a marqué résultat faiblement positif. C'est marqué là. Ça veut dire quoi ? Alors, soit ça veut dire deux choses. Soit t'as fait ta chochotte et on n'a pas pu aller très profond et on t'a frotté le bout du nez. Mais bon, ça, normalement, on essaye de pas faire. Alors, dans mon expérience, c'est pas trop ça. Moi, j'ai l'impression, si tu veux, que l'on essaie de me pénétrer l'ethmoïde et ce n'est pas très agréable. Ne le faites pas. L'ethmoïde, c'est un... Je l'avais fait au dernier live, de mettre un écouviant dans le nez, j'en suis pas mort. Hein. Oui, non. À mourir, non, mais il y a une petite larmichette quand même qui vient, petit moment de détresse. Mais voilà, donc oui, un résultat faiblement positif. Oui, un résultat faiblement positif et positif. Alors, il peut y avoir des erreurs de laboratoire, ça existe partout. Je ne dis pas que, je ne sais plus combien on a fait de PCR depuis le début, 30 ou 35 000 dans mon labo, on s'est peut-être planté une fois. Il y a peut-être une fois, quand vous traitez tout à la main, que vous en inversez deux, tout est possible. Donc, il peut y avoir une contamination aussi, c'est-à-dire que c'est des plaques de PCR où ils sont tous à côté, qui est fortement positif et contaminé celui d'à côté. Donc, on prend toutes les précautions pour que ça ne soit pas vrai, mais ça peut être une première explication et on a toujours peur, généralement, on les vérifie. La deuxième explication, c'est que tu sois en fin d'infection, comme le disait Sébastien, et que tu n'aies plus que quelques particules virales qui traînent. On nous demande de le rendre maintenant parce que, notamment, tu avais des patients qui étaient hospitalisés et qui ont besoin d'une PCR négative pour aller en EHPAD ou en SSR derrière. Mmh. Et il y en a, hélas, hein, et on en voit beaucoup, qui au bout de un mois, deux mois, moi j'ai une dame en dialyse, au bout de trois mois, elle est toujours positive. Alors, je mets dans le chat, là maintenant, tout de suite, à l'instant où je vous le dis, le lien vers la Société française de microbiologie avec... T'es trop fort. le texte qui donne les recommandations de la Société française de microbiologie sur l'interprétation des résultats en fonction du nombre de CT, en fonction de la technique utilisée en France, sur tous les examens qui sont validés en France sur le test de PCR. Toute personne qui vous dira qu'on fait des tests rendus positifs à plus de 40 cycles en France est en train de se foutre gentiment de votre gueule. Si le laboratoire dans lequel vous allez respecte les règles, tout est marqué dans ce truc, il n'y en a aucun qui va au-delà de 38 si je ne me trompe pas. Donc il faut arrêter de dire de la merde. Voilà. Globalement, les biologistes, ils ont tous fait 10 ans d'études. Hein. Oui. C'est un peu leur métier. Donc, se faire expliquer comment on fait des PCR par CNews, c'est un côté des fois un peu pénible. Je vais parler toujours sous couvert des biologistes. On ne donne jamais le nombre de CT sur un résultat de PCR. Enfin, c'est pas marqué sur les examens. Il y a des labos qui le font. Moi, je le fais pas. Je sais pas si tu le fais, toi. Ça dépend des labos, effectivement. Mais globalement, le métier d'un biologiste, c'est d'interpréter les résultats qu'ils sont en train de voir. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé plus d'une fois d'avoir des biologistes qui m'appellent la nuit. Tu as fait un prélèvement de ceci. Est-ce que tu peux m'expliquer le contexte parce que j'en ai besoin pour mon interprétation. Et Benoît, qui est venu dans cette émission, est un biologiste avec qui j'ai travaillé pendant plusieurs années, qui m'a plusieurs fois réveillé la nuit pour nous demander qu'est-ce que c'est que le mordier que tu m'envoies parce que j'aimerais bien savoir ce que j'analyse. Donc. Les biologistes sont là pour rendre des interprétations. Ils ne lisent pas des résultats sur une machine et recopient bêtement le résultat. Ils interprètent ces résultats. Et donc, leur but et leur rôle, c'est de les interpréter. Donc, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne sont pas là juste à appuyer sur un bouton et dire « je valide le résultat ». Donc, c'est d'un mépris et d'une méconnaissance. Tu as une vision quand même dans ta caricature du biologiste qui m'insupporte. Je vais te call out sur Twitter, là. Quelle honte. Mais je suis en train de dire des choses gentilles des biologistes. Non, tu dis des méchancetés pour les défendre. Dis des trucs positifs, enfin. Ne sois pas si malhabile quand tu leur parles gentiment. Notre boulot, essentiellement, c'est, pour être honnête, hein, au milieu de, je ne sais pas combien on rend de résultats dans notre laboratoire tous les jours, hein, que ce soit de la virologie, de la biochimie ou autre, c'est aussi un peu comme un pilote d'avion. Quand tu traverses l'Atlantique en avion, ce n'est pas de tout faire à la main. Ce n'est pas d'aller regarder chaque résultat de tous les bilans biochimiques les uns derrière les autres. On ne s'en sortirait jamais. Mais c'est d'avoir des contrôles, des choses pour aller voir ce qu'on a besoin d'interpréter et là où on a une valeur ajoutée. Et en l'occurrence, sur les CT, c'est ce qu'on fait quand il y a des faibles. Et puis même de l'autre côté, pour vous donner un exemple de cet après-midi, j'ai eu une EHPAD avec, hélas, encore une épidémie dans une EHPAD. Ce qui doit être à peu près la dernière qui nous restait où il n'y en avait pas eu. Et ça va faire tilter Sébastien, mais il y avait 5 résidents et les 5 résidents étaient entre 12 et 16 CT. Donc forcément, on se dit, est-ce que ce n'est pas un variant anglais où ils sont plus contagieux avec des CT plus bas? Donc on va le typer immédiatement et rendre aux cliniciens variant anglais ou pas variant anglais dans la soirée. Mais c'est j'ai envie de dire, il ne faut pas qu'ils mangent à la cantine, tes copains, là, parce que... C'est le problème, parce que, hélas, hein, dans cette EHPAD, et en général, c'est des unités déambulants Alzheimer ou des choses comme ça, quand tu en as 4 ou 5 à 12, entre 12 et 14 CT, j'ai assez peu d'espoir sur le reste de l'EHPAD. Hein. Soit ils s'en sortent parce qu'ils sont nés sous une bonne étoile et que la Covid dans une EHPAD ne tue pas 100% des gens. Je ne sais pas quelle est la mortalité, mais elle doit être à 20 ou 30%. C'est-à-dire qu'une fois que le loup est vraiment rentré dans la bergerie comme ça, on ne peut plus rien faire. Vous l'avez vu dans les premières. Je me souviens toujours de ce que j'avais lu en février dernier ou en mars avant que ça commence vraiment. Il y avait un foyer, c'est pas une EHPAD, mais c'était un monastère dans la Drôme où il y avait une dizaine de religieux. Il y en a 9 qui sont morts. C'est pour l'office, c'est plus compliqué, effectivement. Ouais. Non, c'est pas très gentil le Covid finalement. Dans une EHPAD, moi, alors après, nous, on a la chance de ne voir que les tubes, mais quand vous discutez avec les réanimateurs, quand vous discutez avec les gériatres, hein, qui travaillent dans une EHPAD, ils sont humainement marqués au bout de 10 mois de cette chose-là. Donc ceux qui disent, alors après, moi, je suis pas épidémiologiste, hein, donc je sais pas s'il faut confiner, etc. Je m'aventurerai jamais là-dedans parce qu'il y a des modélisations à faire et on fait de la science même ici. Mais ceux qui disent il n'y a rien à faire, après tout, laissons-les crever. C'est assez peu sympathique, effectivement. Non, et on salue tous nos collègues qui travaillent en HAD, c'est-à-dire en hospitalisation à domicile, tous ceux qui travaillent aux soins palliatifs, tous ceux qui travaillent en gériatrie, parce que c'est des moments chaud quand même, hein, parce que... Il y a de tout chez les personnes âgées, et Sébastien, on en parlait ce week-end, parce que lui, il vaccine aussi quand il s'ennuie, donc il a tenu le centre de vaccination, mais chez les personnes âgées, vous avez la personne de 80 ans qui est décédée en réa en 3 jours et qui faisait 1 km de natation à la piscine la semaine d'avant, et puis vous en avez d'autres qui sont en super mauvais état. C'est ça. Il faut avoir une vision de la personne âgée qui n'est pas juste un vieux glaireux dans une chaise roulante. Hein. Les gens, ils ont une vie, ils font des trucs, ils voient leurs enfants. Enfin, c'est des êtres humains, quoi. Et c'est vrai que les déshumaniser pour dire « Allez, il faut foutre la paix aux actifs », c'est quand même assez moche. Ouais, bref. Puis, accessoirement, pour déconstruire ce discours-là, qui m'insupporte, au-delà des prévisions épidémiologiques, il y a des pays et des villes dans le monde où le virus a continué à circuler librement et où il n'y a globalement pas eu de mesures. Et en fait, il suffit d'aller regarder ce qui se passe là-bas pour voir ce que ça donne si on ne fait rien. Quoi. Il y a pas besoin de simulation. Il y a des endroits où ça a fonctionné comme ça. Et on voit bien que, en fait, c'est complètement faux de dire que c'est une maladie qui va toucher que les personnes âgées en fin de vie. Après, on peut aussi le voir dans un autre sens, c'est-à-dire que en réanimation et sur les décès, c'est quand même essentiellement une maladie de personnes âgées. Alors effectivement, il y a des facteurs de risque, type l'obésité, type l'hypertension, qui vous font gagner une dizaine d'années, mais en odds ratio de gravité par rapport à l'âge, c'est presque peanuts. Je ne me souviens plus du chiffre, mais en gros, si vous avez un IMC supérieur à 30 et que vous avez 40 ans, vous avez le risque de quelqu'un de maigre qui a 48 ou 50 ans. Mais vous ne passez pas tout de suite à 80 ans. C'est vraiment l'âge qui écrase tout. Mmh. Ce qui a une certaine chance, c'est qu'on isole assez facilement une population qui serait à vacciner. Donc après, on peut se dire, est-ce qu'il aurait mieux fallu commencer par vacciner ceux entre 50 et 75 ans qui sont en réanimation et qui vont faire une troisième vague en réanimation et qui vont embêter des amis, type l'ami Damien Barou, que je salue s'il est dans le coin. Mais effectivement, plus de 75 ans en EHPAD, de toute façon, ils n'étaient pas en réanimation. Donc c'est pas ça qui va faire en sorte, c'est pas cette campagne de vaccination, on vaccine les plus de 75 ans, qui va enlever une pression hospitalière sur les réanimations sur cette vague-là. Par contre, au printemps, quand on aura réussi à vacciner tous les plus de 50 ans, et j'ai quand même bon espoir qu'en juin, ça soit le cas, c'est honnêtement sur la partie hospitalière, hein, un soulagement qui fait qu'on devrait pouvoir quand même reprendre une vie normale à l'été ou à l'automne. Je ne sais pas si tu veux compléter, Sébastien, là-dessus. Tu penses qu'on va retrouver une vie normale à l'été ou à l'automne ? Non, mais le virus sera endémique pendant... J'entendais le PDG de Moderna et j'étais d'accord avec lui. Il sera sûrement endémique jusqu'à la fin des temps, hein, en tout cas jusqu'à ma mort. Mais une vie normale, peut-être que... Je ne suis pas sûr d'avoir spécialement envie de reprendre une vie normale. Il y a du bon côté. Quand j'allais au restaurant initialement, j'étais le seul à me laver les mains avant d'aller au restaurant et j'avais un flacon de SHA dans mon sac et des fois il y avait la serveuse qui te regardait comme si on était un imbécile. La serveuse de la boulangerie qui avec sa gastro prenait toutes les chocolatines les unes derrière les autres pour te les donner, je n'ai pas spécialement envie qu'elle reprenne une vie normale. On passe le chat en émoticône only là parce qu'on a droppé chocolatine, c'est bon, c'est parti en couille. Les gens qui disent chocolatine sont aussi de belles personnes. Après, moi, j'ai une question qui revient sur un truc dont on parlait il y a un peu longtemps. Donc, on a dit qu'il y avait les premières PCR qui sont les PCR de dépistage. Après, il y a des PCR avec des amorces spécifiques qui permettent de repérer certains variants, où j'imagine qu'elles sont conçues pour se fixer que s'il y a certaines mutations qui sont présentes. Et derrière, il y a le séquençage, qui là permet de lire tout le génome de façon plus exhaustive. Pas tout le génome, en général, ils séquencent que le. Enfin, je sais pas ce que vous séquencez, mais vous séquencez que le spike, j'imagine. Vous séquencez pas tout le génome à chaque fois. C'est centré spicule. Alors, il y a deux approches. Il y a effectivement l'approche avec le séquençage exclusif, uniquement de la protéine spike. Et après, il y a les approches de séquençage nouvelle génération, au débit également, qui permettent d'avoir le génome entier. Ok, parce que du coup, j'avais lu, notamment par rapport aux bases de données, etc., sur les séquences de suivi à l'échelle mondiale de l'évolution du virus, que la France était plutôt mauvaise élève. Et je ne savais pas si on était mauvaise élève juste parce qu'on ne rentre pas les séquences dans les bases de données par rapport aux autres, hein, ou si c'est parce qu'on séquence moins, ou si en fait, ce n'est pas vrai qu'on est des mauvais élèves par rapport à ça. C'est très compliqué, effectivement. Je ne sais pas d'où viennent ces sources. Qui gérait GIZ, donc qui est une des grosses bases de données publiques de séquences de corona, qui avait partagé un graphe avec le nombre de séquences rentrées dans la base de données par pays. Et en Europe, la France était clairement à la traîne. Mais je sais que sur GIZ, par exemple, ils prennent les séquences qui sont bien annotées. Il peut y avoir un biais de saisie. Mais en séquençage, la virologie, c'est peanuts. Hein. Le gros du séquençage, c'est les tumorothèques et puis les DPNI pour les grossesses. Donc après, je ne sais pas où on en est. Je ne suis pas du tout anapath. Les dépistages de la trisomie 21 qu'on en fait maintenant. Avant, on le faisait en biochimie. Et maintenant, beaucoup de labos ont acheté des séquenceurs au débit pour dépister la trisomie 21. Mais le DPNI, c'est le diagnostic prénatal. Hein, juste, ouais, voilà. Tu m'as coupé là. Donc, je ne sais pas si en France, on fait moins de séquençage pour l'anapath. Mais enfin, pour les tumeurs, pour les cancers. Coronavirus de façon spécifique. Oui, mais les machines dans les hôpitaux, sauf erreur de ma part, elles ne servent pas qu'au labo de viraux. Elles sont mutualisées. Ah oui, elles sont partagées. Donc actuellement, dans la crise sanitaire, elles sont réservées aux virologues, mais ce n'était pas le cas il y a encore quelques mois. D'accord. Ouais, parce que c'était aussi lié à des spéculations comme quoi le variant anglais aurait été repéré en Angleterre parce que justement, c'était un pays où de base, il séquençait beaucoup. Et ça, pour le coup, c'est un domaine que je ne connais pas, donc je ne sais pas du tout à quel point c'est vrai ou pas. Je n'ai pas de chiffres précis sur la quantité, effectivement, de séquençage réalisé entre nos deux pays, hein, entre l'Angleterre et la France. On conjugue peut-être, effectivement, à la fois des problèmes de saisie dans une base commune, et puis après, probablement, il y a peut-être aussi un nombre d'automates de séquençage qui est différent hein, en termes d'équipement des hôpitaux. Hein. Je ne suis pas certain que ça serve à grand-chose de séquencer tout le monde. Hein. Après, voilà, il faut aussi qu'il y ait un intérêt. Je suis d'accord avec Jérôme. Faire de la séquence pour de la séquence, ça pas forcément finalement faire des... Comme on l'a vu un petit peu, des enquêtes flash, ça apporte aussi beaucoup d'informations parce qu'à un temps T, on regarde ce qui circule. Regarder systématiquement tous les jours tout, ça peut être discutable. Donc que ça implique ça de mobiliser coûter, ouais. Des moyens. Hein. C'est ça. Des moyens énormes. D'accord. Une question du chat de notre ami neurologue. Puisque ça ne change rien ni le traitement ni le vaccin, à quoi sert de savoir quel variant prédomine ? Parce que ça change le R0 de l'épidémie sur le variant anglais. D'accord. On estime qu'avec les mêmes précautions que pris actuellement, le couvre-feu, etc., là, le R0, je n'ai pas été regardé sur Covid Tracker, mais il était à peu près à 1,1 actuellement. Si vous remplacez 100% de la souche qu'on a actuellement par 100% de variant anglais, avec les mêmes précautions, hein, le R0 sera à 1,6. D'accord. Ce n'est pas tout à fait pareil. Et du coup, tu penses que ça vaut le coup de monter un peu notre level de précaution ? J'ai vu que l'Autriche, par exemple, avait imposé l'utilisation du FFP2 partout. Ça vaut le coup ? Ça vaut pas le coup, ça ? Le FFP2, il a comme avantage de ne pas glisser du nez de manière automatique sur 70% de la population, parce qu'il tient vachement bien quand même. Après, à titre personnel, le porter toute la journée... C'est ça. Franchement. Ça casse moins les couilles que les oreilles, en fait. C'est surtout ça. Hein. Après, tu te retrouves avec un joue-fleur comme ça... Voilà, mais non, c'est vrai que c'est pénible le FFP2. Mais oui, on nous demande d'être un tout petit peu moins technique parce que là, on est un peu. Parfois, on oublie qu'on se comprend, mais qu'il faut qu'on essaye de toujours recentrer. Excusez-moi, aujourd'hui, c'est moi qui suis censé faire le naïf, entre guillemets, mais bon, c'est difficile. C'est pas. Je suis naïf, mais je suis quand même cardiologue des os. Donc, qu'est-ce qui fait galérer sinon ? Ouais, le R0, en gros, c'est la capacité du virus à se reproduire. En gros, enfin, pour faire simple, c'est le nombre de personnes contaminées par quelqu'un qui est contaminé par le virus, c'est ça ? Tout à fait. D'accord. Et le R0, c'est, si j'ai bien compris, une valeur théorique, c'est-à-dire c'est dans l'hypothèse où voilà, on se balade normalement sans masque, sans rien, on a un R0, c'est-à-dire la capacité à se reproduire du virus qui est censé être ça, et on va avoir un R effectif qui va dépendre, entre guillemets, des mesures qui sont en place. C'est-à-dire, par exemple, le fait que tout le monde porte le masque, le fait que les gens soient plutôt propres, ou le fait, c'est-à-dire se lavent les mains, en fait, et ou le fait, par exemple, qu'ils vivent dans des environnements confinés, c'est-à-dire on n'a pas le même air effectif si on est en plein soleil que s'il fait 10 degrés, que tout le monde est dans son chalet, c'est ça ? Il ne fait pas 10 degrés, là. Il neige et il fait très froid, pour info. Oui, mais 10 degrés dans mon pays, c'est froid. Excuse-moi, hein, voilà, on se gèle les couilles à 10 degrés. On met la clim et tout, donc non, ça ne va pas du tout. Donc, voilà. Donc, c'est pas mal, déjà. Donc, ouais. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de plus, en gros, si notre R effectif augmente. Si, qu'est-ce qu'il va falloir? Il faut mettre des mesures supplémentaires, mais avec l'acceptabilité qu'il y a, moi, je n'aimerais pas. Alors, j'ai pas l'habitude de taper sur le gouvernement, parce que je n'aimerais franchement pas être à leur place. Non plus. Voilà. Et après, je souhaite. Je trouve qu'Olivier Véran, Olivier Véran, d'impression, en un an, physiquement, il en a pris 10. Là, mais, Et non, ce n'est pas parce qu'on dit ça que nous sommes pro LREM, République En Marche. Macron, non, on ne les porte pas particulièrement dans notre cœur, mais donc évitez. Mais la situation est compliquée à gérer quand même. Oui, oui. Parce que tous les yaka faucons, là, je les verrais bien à la manœuvre qu'on rigole, quoi. Mais, ceci là... dit, il y a quand même des mesures qui auraient pu aider d'une certaine façon et qui n'ont pas été mises en place pour l'instant. Ah, mais je suis tout à fait d'accord. Ouais. J'ai pas dit qu'ils étaient parfaits. Hein. J'ai juste non, dit que non, j'aimerais pas être à leur place. Comment faire si notre comment faire si le R y monte? Ah oui. Et qu'est-ce qu'il y a comme alternative? Ouais, plus on attend tard pour mettre des trucs plus drastiques en place, plus on va pas avoir le choix et on va devoir revenir à un confinement. Certes, ça, c'est un peu mais, le problème. Mais d'un autre côté, plus on le fait tôt, plus ça va durer longtemps avant que deux phénomènes permettent de juguler, c'est-à-dire la vaccination, qui, quoi qu'il arrive, n'arrivera pas à vacciner tout le monde avant fin juin, et l'arrivée des beaux jours, qui, d'une certaine manière, fait qu'on vit plus dehors et change un peu la donne. Bon. Là, on n'est que le 26 janvier, tu confines aujourd'hui, j'ai peu d'espoir qu'on soit déconfiné avant début avril. D'accord. Donc, alors que si tu confines le 1er mars et que tu arrives à tenir pour une raison X ou Y jusqu'à là, tu peux peut-être déconfiner le 15 avril et gagner un peu de temps. Tout ça, c'est des gens qui font des études et qui le modélisent dans tous les sens. C'est des mathématiciens. Moi, je sais pas. Je suis pas partie de ces tweetos qui disent qu'il faut confiner demain, après-demain, parce que franchement, j'en sais rien. Et je pense que c'est de la science comme le reste et que ça se calcule et qu'après, il y a une partie politique sur l'acceptabilité. Vous voyez ce qui se passe aux Pays-Bas, ils ont l'air de beaucoup moins accepter ce coup-ci que le coup d'avant. Donc, tout ça, c'est une équation à plein d'inconnus. Je faisais la réflexion avec Benoît toujours, puisque Benoît, je le croise tous les jours à la crèche. Je faisais la réflexion... Biologiste à la crèche. Hein ? Et biologiste à la crèche. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Je faisais la réflexion avec Benoît l'autre jour. C'est que moi j'ai travaillé, et nous tous globalement, enfin peut-être pas toi Tania, mais en tout cas nous les médecins, on a travaillé tous les jours comme si de rien n'était quasiment depuis le départ. Ça n'a pas changé grand chose, si, il y avait moins de monde dans les rues et on ne faisait pas nos courses comme on voulait, on va plus boire des coups avec les copains, mais globalement on est allé bosser tous les jours, on a fait la même routine, ça n'a pas beaucoup changé de choses. Moi là on est en janvier, ça commence à me casser les couilles. Et pourtant, j'ai vécu quasiment normalement. Donc, je me mets à la place de la population générale qui, elle, ne peut pas faire ce que moi, je fais quasiment tous les jours sans même vraiment réfléchir. Moi, je vais bosser parce que je vais bosser, quoi. Je me déplace sans vraiment réfléchir. Je fais même pas d'attestation. Oui, voilà, tu sors ta carte professionnelle et le monsieur, il te dit merci, t'es passé. J'ai mon caducé sur mon truc. Les flics, dès qu'ils voient mon caducé, ils me disent « passez ». Je me suis arrêté plusieurs fois. Les mecs m'ont même pas demandé mon identité, quoi. On a une collègue qui s'est fouillée la bagnole, hein, même elle avait le caducé et tout, et sans en avoir rien à foutre, hein, les flics. Hein. Mais bon, c'est pas partout. Donc, tout ça pour dire que moi, ça commence à me peser. Donc, un gros soutien à toute la population qui vit ça de plein fouet. Ça doit vraiment pas être facile. Pour le coup, je ne peux que imaginer ce que c'est vraiment, puisque je ne l'ai pas vécu. À titre personnel, mais c'est un sentiment qu'il faudrait vérifier par des études sérieuses. J'aurais plutôt tendance à faire un confinement très très strict pendant les vacances scolaires à un moment donné où tout le monde s'était à peu près organisé pour garder ses gosses pendant 15 jours, vraiment lockdown complet, pour donner un grand coup à la contagiosité, que quelque chose de lancinant sur plusieurs mois. Mais c'est sûrement modélisé par des épidémiologistes qui font ça mieux que moi. Ouais, il y a l'air d'y avoir un gros point de crispation autour des écoles, hein, finalement, parce que c'est un point d'accroche assez important. Le variant anglais, on commence à dire qu'il y a des contaminations J'en ai eu dans des écoles, dans des écoles maternelles de variant anglais. C'est que de l'anglais qui circule dans les petites enfances ? Il y en avait déjà eu. Les enfants, ils sont, quand ils sont contaminés, Ouais. Alors déjà, quand je dis enfant, c'est pré-pubère, hein, parce que post-pubère, ils sont comme des adultes au niveau de la durée de l'infection. Les enfants, quand ils sont contaminés, et j'en ai encore eu un de 6 ans à 18 ou 16 ou 18 CT, je ne me souviens plus, ils sont autant contagieux. On a quand même l'impression qu'ils sont contagieux moins longtemps, c'est-à-dire qu'ils excrètent moins longtemps, qu'ils font quelque chose de plus court. Je ne sais pas si tu as des données là-dessus, Sébastien, mais en soi, un enfant positif est aussi contagieux qu'un adulte positif. Il risque d'être contagieux un peu moins, il peut être contagieux un peu moins longtemps. D'accord. Et en tout cas, ce qui est certain, et c'est quelque chose que moi j'avais extrêmement peur au mois de janvier dernier, c'est que chez les enfants, ça leur fait rien. On parlait de Kawasaki pour le cardiologue au mois de... C'est vrai qu'on a eu ça. Le février dernier, ça a complètement disparu. Moi, la plupart des enfants à qui j'ai fait un test et que je leur donne positif, hein, immédiatement, il y en a un, il m'a dit « Vas-y, donne-moi le test, je le mets sur TikTok ». C'était le seul effet que ça lui faisait. Ils s'en foutaient à un point. C'est beau. Ouais. Le Kawasaki, de toute façon, il y avait une explosion, mais c'était la saison du Kawa. Voilà, ce n'est pas non plus très étonnant. Mais oui, est-ce que vraiment ça change quelque chose vis-à-vis des enfants? Est-ce qu'il va falloir changer notre attitude vis-à-vis des écoles parce qu'il y a du variant anglais? C'est peut-être un petit peu le risque, effectivement. C'est que si on a un virus qui s'adapte, enfin qui va atteindre peut-être plus les enfants et augmenter éventuellement leur potentiel de contagiosité, parce que jusqu'à aujourd'hui, ce qu'il était décrit dans les études pédiatriques, c'est que c'était surtout les adultes qui contaminaient les enfants et peu les enfants qui contaminaient les adultes. D'accord. Mais si le variant, effectivement, est plus adapté à pouvoir effectivement affecter des enfants. Là, on va se reposer la question de l'impact sur les enfants à l'école, etc. D'accord. Et avec toutes les complications qu'on a quand même pu voir déjà sur la fin de l'année dernière, et en partie sur cette année, au niveau des étudiants, l'impact que ça peut avoir sur leur morale en général déjà, et chez les plus jeunes, effectivement, sur l'absence de scolarité avec un décrochage parfois total dans certaines familles, ce qui est quand même assez vraiment compliqué. C'est pour ça que refermer les écoles, c'est quand même une des dernières mesures, on va dire, pour sauvegarder l'éducation au sens large du terme. C'est ça. Mais on a des données brutes qui nous disent ouais, franchement, les enfants, ça craint, ou ça reste du domaine de l'hypothèse ou des études préliminaires? Il y a au moins un type de données qui est assez robuste. C'est celui qui montre que le virus, tout ce qui montre que le virus est plus contagieux, quelle que soit la tranche d'âge. D'accord. Donc ça c'est quelque chose qui est déjà assez fermement démontré de plusieurs façons pour le variant anglais. Et s'il est plus contagieux pour tout le monde, il est aussi plus contagieux pour les enfants, donc ils vont jouer un rôle plus important dans la propagation de l'épidémie. D'accord. Et après, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le niveau de circulation dans les écoles, il reflète le niveau de circulation dans la population. Les enfants qui arrivent contaminés à l'école et qui vont lancer des épidémies dans les écoles, ils arrivent parce qu'ils ont été contaminés ailleurs. S'il y a quelque chose à retenir quand même, et ça, j'avais du mal à y croire au début sur mes propres enfants, c'est que les enfants, ils portent le masque, c'est devenu naturel pour eux, puis ils le portent très très bien. Autant, moi, ce que je vois avec le masque sous le nez, c'est pas les enfants. De toute façon, moi, mon collégien me l'a dit, masque sous le nez égale une heure de colle. Ça les a calmés tout de suite. Dans la rue, tu ferais masque sur le nez égale une heure de colle. D'ailleurs, sur la punition, j'ai pas trouvé ça très malin, parce que mettre des enfants, parce qu'ils portent mal le masque dans une salle fermée une heure de plus... Ok, mais en tout cas, ça les a calmés. Alors moi, j'ai deux, trois petites choses. Là. Est-ce que quelqu'un a lu cette étude allemande sur les conséquences du port du masque chez les enfants au niveau symptomatologique et psychologique? Il paraît qu'il y a une grosse étude qui montre que c'est que 70% des effets secondaires, des effets indésirables de cette crise sanitaire sont liés au port du masque chez les enfants. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas lu. François en a fait grand bruit, donc je me méfie beaucoup. C'est pour ça que je vous demande si quelqu'un l'a lu. C'est vraiment une étude, ton histoire. Est-ce que quelqu'un l'a vu passer? Parce que j'ai pas eu le temps de regarder plus que ça. Donc ça c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'était juste pour vous dire que dans cette épidémie, ce qui est problématique, c'est pas forcément les morts. Tout le monde se dit oui, c'est que des vieux qui meurent, tout ça machin. Mais en parlant là des enfants, des infectés, ce que ça génère comme contrainte. Parce que si on a des enfants qui sont malades, c'est des parents qui restent à la maison. Ça fait des écoles qui ferment, donc des parents qui restent à la maison. Ce qui déstructure encore plus le tissu socio-économique. Et, on ne parle même pas des enfants de soignants. Hein, parce que... Oui, je ne parle pas des enfants de soignants. Hein, je parle... Mais le bon exemple pour comprendre qu'est-ce que ça fait un problème sanitaire dans des structures, c'est le cas d'Yépois à l'heure actuelle. Bon, moi, j'habite à Rouen. Dieppe, ce n'est pas très loin. On a un appel à l'aide de toute la région pour aller bosser à Dieppe si on a du temps. Parce que, en fait, à l'heure actuelle, à l'hôpital de Dieppe, sur 1100 agents ou 1170 agents dans l'hôpital, il y en a 10% qui sont en arrêt à cause du Covid. Je ne parle pas des autres arrêts, hein, je parle juste des gens qui sont en arrêt à cause, parce qu'ils sont infectés Covid. Il y a eu un cluster dans l'hôpital et c'est des soignants. Alors, c'est 10% du personnel au total, le volume, mais c'est surtout des soignants. Bah, moralité de l'histoire, eh bien, il y a, l'hôpital il fonctionne à 30% de sa capacité. Voilà, il peut pas travailler. Ils ont perdu 10% de leur personnel. On a eu en Savoie l'année passée, il y a deux mois, au moment où on était les pires de France en termes de prévalence. Et on pense qu'on a eu quasiment 15 ou 20% des soignants de l'hôpital qui ont été positifs. Quand on regarde, et c'est marrant parce qu'on a fait des études de séroprévalence sur plusieurs populations, ceux qui craignent le plus, c'est ceux qui sont de prime abord auprès du patient, c'est-à-dire les urgentistes, les infectiologues et d'une certaine manière les biologistes qui prélèvent. Alors les biologistes moins parce qu'ils sont en FFP2 et qu'ils sont là pour prélever et qu'ils font attention. C'est là que je veux en venir. Les réanimateurs de la même façon, ils savent que le patient il est là pour Covid, donc ils font attention. C'est ceux qui font pas attention, qui faisaient pas attention à l'arrivée. C'est même la même chose pour les médecins de ville, les médecins généralistes au début qui n'avaient rien pour se protéger et c'est là où ils ont le plus pris. Ceux qui sont le moins positifs, qui ont le taux de séroprévalence le plus faible à l'hôpital, c'est le laboratoire. Parce qu'ils sont quand même très très au fait du problème, parce qu'ils l'étudient tous les jours. Ils voient pas beaucoup de patients, parce qu'ils sont pas là. Et entre les deux, il y a les services administratifs qui représentent à peu plus la population en général. Donc de toute façon, quand il y a une épidémie dans un hôpital avec beaucoup de malades ou autre, l'exemple de Dieppe, on l'a eu chez nous, mais il a été dans beaucoup d'hôpitaux. Hein. Quand ça se produit, nous on a eu des week-ends qui étaient très très difficiles. On a dû à des moments donnés pas arrêter du personnel qui était asymptomatique parce que le temps de le retrouver. Quand vous appelez je reprends cet exemple-là parce que je le connaissais bien, quand vous appelez le pédiatre de garde pour lui dire qu'il est positif et qu'il est 9h du soir et qu'il est en garde, eh ben, il ne part pas en 3 minutes. Quoi. Il faut trouver un remplaçant. Donc il y a eu beaucoup ça. Je pense qu'il arrive la même chose à Dieppe. Et pour un hôpital, c'est très très difficile. Parce que si eux, ils sont malades, ça veut dire que la population de la ville, elle ne va pas beaucoup mieux. Non, mais c'est surtout pour montrer qu'il suffit de pas grand-chose. Il faut pas forcément des morts. Il faut juste que si vous désorganisez votre... Bah, c'est le principe d'une attaque bioterroriste avec un agent infectieux. Hein. C'est désorganisation de la structure. Et c'est pour ça que les soignants étaient prioritaires sur la vaccination. Parce que si vous fermez et que vous ne soignez plus les autres, moi, je veux bien. Mais là, on peut l'extrapoler à plein de trucs. Vous avez, je vais dire des trucs très cons, hein, mais 10% du personnel de maintien de l'ordre qui est en arrêt, bah, ça pose des problèmes. On a eu ça au commissariat de la ville. On avait au commissariat de la ville, moi, un soir, ils sont débarqués pour tous être prélevés. On n'avait plus de policiers. On a eu la police municipale fermée pendant un week-end. Alors, c'était très bien pour le stationnement, mais c'est effectivement toutes ces populations. Et puis je pense aux enseignants. Oui, les enseignants, mais tous les trucs qui sont nécessaires au fonctionnement. Et puis aux éboueurs ou ce que vous voulez. Et ça répond à une question ça ouvre une question qu'il y avait dans le chat et j'aurais bien l'avis de Sébastien. C'est la population à vacciner. Actuellement, on doit vacciner de manière certaine les plus de 50 ans, on va dire. Plus les ceux qui ont des facteurs de risque en dessous. On pense aller vacciner la population générale entre l'été et l'automne. 50 ans, personnel médical. Oui, personnel médical. Mmh. Et après, à l'heure actuelle, et on doit aller, les recommandations sont allées jusqu'à une vaccination population générale en fin d'année. Ma crainte est qu'à partir du moment où l'été va aller arrivant, que les personnes fragiles soient vaccinées, il y a un relâchement complet chez des gens qui craignent pas grand-chose. Qu'est-ce que ça va faire ce relâchement, une quatrième vague, j'en sais rien. Est-ce que ça va faire des mutations nouvelles parce que le virus va se remettre fortement à circuler? Et enfin, dernière question, est-ce qu'il faut vacciner les enfants, sachant qu'il n'y a aucune étude pour l'instant dans cette population, ton avis? Elles sont en cours. Karine Lacombe nous disait qu'il y avait des études qui étaient lancées sur la vaccination des enfants. Enfin, en tout cas, que c'était en discussion. Laissons notre invité répondre. Mais bien sûr. Oui, non, mais effectivement, c'est des questions qui n'ont pas forcément une réponse encore très évidente aujourd'hui. Les études, oui, effectivement, sont lancées dans d'autres populations que celles qui ont été ciblées jusqu'à présent. Après, la vaccination aujourd'hui des enfants, dans l'esprit d'une couverture la plus globale possible, c'est quelque chose qui pourra être envisageable un jour. Après, il faut, un, commencer par démontrer une efficacité des vaccins chez ces enfants. Ça, c'est la première étape, évidemment. Et puis ensuite, après, avoir des vaccins disponibles pour pouvoir, en nombre suffisant, ça, c'est la deuxième étape limitante. Si tout est réuni, après, on peut envisager une couverture globale si on veut vraiment aller jusqu'à l'éradication. Ce qui est, sur le papier, théoriquement possible, dans la mesure où il faudra atteindre un taux de couverture, c'est-à-dire un nombre d'individus vaccinés dans la population suffisamment important. Pour un virus comme ça, probablement au-delà de 70% à peu près, des gens vaccinés, 70-80%. Et puis, sous réserve qu'entre-temps, on n'ait pas trop de variants qui apparaissent et qui viennent un petit peu contrecarrer l'efficacité du vaccin. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui va favoriser l'émergence de ces variants? Finalement, il y a des trucs qui font qu'il y a plus de variants. On parlait de pression de sélection, là, mais qu'est-ce qui pourrait faire qu'il y a plus de variants qui apparaissent? Le fait, finalement, d'avoir des gens qui sont vaccinés contre vaccinés ou immunes, enfin, ou qui ont rencontré le virus de façon naturelle, c'est une forme de pression de sélection, entre autres. Après, si on administre des traitements à un moment donné, ça peut être une autre forme de pression de sélection si on a un antiviral efficace un jour. Mais mon inquiétude qui est de, une fois qu'on aura vacciné, et je pense relativement rapidement dans les 3 à 6 mois, les populations fragiles qui encombrent entre guillemets les hôpitaux actuellement, on risque de relâcher quand même la pression, parce que même si nous, alors qu'effectivement on n'est quand même pas très confinés, on en a marre, j'imagine, la population générale, qu'il y ait, c'est aussi une inquiétude des amants, hein, qu'il y ait une explosion de cas en soi moins grave, hein, en population générale au mois de septembre. Et qu'est-ce que ça risque de faire, cette explosion de cas? Alors ça, c'est aussi pour la virologue fondamentale. Je fais l'animateur, là, je vous ai remplacé. Vous pouvez vous coucher tous les deux. Ça détend, c'est super. Qu'est-ce qu'on risque d'avoir une explosion de cas incontrôlée, même si cette explosion de cas ne fait pas grand-chose au système de santé? Bref, moi, clairement, là, on est dans l'extrapolation. Hein. Oui. Parce que autant il y a des situations qu'on a... La médecine fiction. Non, mais il y a des situations qu'on a déjà observées dans certains pays. Celle-là, je ne crois pas qu'elle ait déjà été observée ou que ce soit. Mais on se rend quand même compte dans les endroits où il y a eu des vraies, très, très grosses vagues épidémiques, comme au Brésil, que oui, les personnes les plus touchées dans un premier temps, ce sont les populations âgées, mais que bah, à la fin, il y a des endroits où ils finissent par refuser les gens qui ont plus de 70 ans en réa, puis les gens qui ont plus de 60 ans, etc. Donc c'est qu'en fait, ce virus, il est quand même capable d'envoyer des personnes jeunes à l'hôpital, voire en réa, donc de saturer le système hospitalier même avec une population âgée protégée. Juste, moi, je mettrais, quand même un petit billet. Il y a beaucoup plus de gens que touchés. Voilà. Je ne sais pas où est la proportion. Mais je mettrais quand même un petit billet qu'en septembre, on dira que ça touche les jeunes, que le virus a muté, parce qu'il y a des gens de 30 ans en réa, mais mathématiquement, il y aura juste beaucoup plus de gens de 30 ans malades. C'est ta théorie. La théorie du quatrième confinement avec les réas de gens tout jeunes. Voilà. Je ne sais pas s'il y aura un quatrième confinement, mais en tout cas, j'ai quand même je pense que cette troisième vague, ce troisième confinement est le dernier tel qu'on l'a connu, et qu'on en aura peut-être à la rentrée ou à l'hiver prochain une quatrième vague, mais cette quatrième vague, à mon avis, sera différente. Mais on va peut-être rebondir là-dessus. Vous êtes confiant aujourd'hui, parce que la situation aujourd'hui, moi, de ce que j'en ai compris, mais peut-être j'ai rien compris, hein, c'est qu'on a du Pfizer. Bon, ça marche relativement bien, mais on ne sait pas trop sur le Sudaf. On a du Moderna avec, bon, ça marche sur le normal, un peu bien sur le britannique, un peu moins bien sur le Sudaf. On a l'AstraZeneca, sur lequel on a des données un peu plus intermédiaires, avec une efficacité qui est moindre, et des données sur les plus de 65 ans qui sont relativement décevantes. On a Sanofi qui lâche l'affaire. Et il y a, comment il s'appelle, Pasteur qui a lâché l'affaire aujourd'hui. Pour les mecs qui ont inventé le virus, c'est quand même emmerdant. Les mecs ne sont pas foutus de faire un vaccin alors que c'est au bout du virus. Quoi. Ils sont nuls à chier, hein, sans déconner. Donc voilà. Non, mais c'est très bien. De toute façon, on était à peu près sûr que pas tous les vaccins qui allaient marcher, hein, aussi, on ne va pas se mentir. C'est même l'inverse qui aurait été surprenant. Hein. C'est ça. Donc, que tous les vaccins marchent, oui, non, ça aurait été bizarre. Hein. On attend toujours celui pour le VIH. On en avait discuté ensemble, Sébastien, cet été avec Sylvie. Déjà, un vaccin qui marche à 98, on n'y aurait jamais cru. Oui, il faut quand même rappeler qu'on est parti de rien, d'un nouveau virus que personne ne connaissait. Et on arrive finalement, à peu près un an après, hein, pour faire simple, à commencer à vacciner en masse une population, les populations au niveau mondial. Donc c'est quand même un très beau succès, je pense. Après, effectivement, il faut qu'on s'adapte au fur et à mesure. Alors moi, j'ai une question. Ce qui apparaît. J'ai pas fini ma question, moi. Est-ce que vous pensez que capacités de production en termes de vaccins vont nous permettre d'atteindre les objectifs, c'est-à-dire de dire oui, à l'été, tout le monde est vacciné, youpi. C'est pas tout le monde, sûrement pas. Tout le monde, Les prévisions de vacciner tout le monde avant l'été, c'était en supposant que tous les vaccins précommandés par la France et l'ensemble des fabricants sur les vaccinations en cours de test, que tous les vaccins soient validés et que toutes les commandes puissent être livrées. A priori, ça n'arrivera pas. Ça paraît ambitieux. Je sais plus ce que c'est en juin l'objectif, mais c'est tous les plus de 50 ans de mémoire. En fait, c'était fin août, toute la population. Je sais plus, je crois. Ouais. En prédiction. Moi, j'ai vu passer ça sur Twitter dans des tweets d'Olivier Véran, c'était tout le monde à la fin de l'été. C'est ça, fin août, tout le, 70 millions de doses disponibles. 34 millions de doses commandées avec des trucs à deux doses, et du coup, à la fin, tout le monde pouvait être vacciné. Mais ça, c'était en supposant que tous les vaccins soient validés et livrés en temps et en heure. Donc on abaisse un petit peu nos objectifs, là, mais il n'y a pas moyen, par exemple, je ne sais pas, techniquement, après, je ne suis pas fabricant de vaccins du tout, il n'y a pas moyen techniquement de faire des usines qui fabriquent du vaccin comme on fabrique du pain ou, Alors, j'avais tendance à l'avoir pensé, je l'avais même tweeté la semaine dernière, parce que moi, ce qui m'avait un peu agacé, c'est que nous, dans les laboratoires, on nous avait demandé, sur un truc qui était apparu une semaine après, d'en faire des millions de PCR la semaine suivante. Alors que les fabricants de vaccins, pour moi, ils avaient eu quand même un an au moins pour adapter l'outil industriel. Ce que m'ont rétorqué plusieurs personnes en DM qui ont l'air de bosser chez Pfizer ou autre, c'est que déjà, le vaccin qui a gagné, c'est pas celui auquel tout le monde pensait. C'est-à-dire le vaccin ARN messager, qui est une technologie qui faisait rêver il y a quelques années, personne pensait que ça serait vraiment celui-là qui allait gagner, sûrement pas Sanofi. Et donc, les usines de nanoparticules lipidiques, l'ARN messager, c'est facile à faire, mais de ce qui va autour, c'est honnêtement plus compliqué. Et deuxième chose, c'est que, alors après, c'est comme pour les masques ou autres, hein, l'outil industriel en Europe, on l'a un peu fermé. Donc, les fermetures d'usines, il y a quelques années, on les paye d'une certaine manière. Et que ça se construit pas en un an. Vous embauchez pas le personnel valable et tout le monde. Alors moi, c'était la question que j'avais. Ça ajoute encore un truc important quand même en termes de production. C'est juste qu'il y a une question de propriété intellectuelle. Hein. Tous ces trucs-là ne sont pas des technologies du domaine public que n'importe qui peut se mettre à fabriquer dans n'importe quelle usine. Alors ça aussi de manière sur Big Pharma, parce que tout le monde se plaignait, c'est vendu pas cher. C'est vendu pas cher, non, mais en termes de capacité la dose, de production. La dose en France, alors il faut deux doses pour vacciner, elle est à 15 euros. Donc non, mais c'est pas une question de oui, faire non, mais de l'argent, j'insiste mais pour les autres, hein, pas pour. Donc ça fait 30 euros les deux doses. Une PCR, c'est 70. Hein. Mais ça, c'est important. Et ça répond peut-être à la question qu'on me pose assez régulièrement dans les commentaires. Mais vous comprenez pas que les labos pharmaceutiques, ils sont là pour faire de l'argent? Non, pas. Alors là, Covid, ils sont là pour leur. Pfizer, ils sont là pour leur image, mais je pense pas qu'ils vont gagner beaucoup, beaucoup d'argent là-dessus. Même pas sûr que ce soit leur objectif. Ça la vaccination, ce n'est pas une bonne façon de gagner de l'argent, hein, globalement, quel que soit le vaccin. Il faut mieux des anti-cholestérol, hein, tu le sais. Non, mais si on peut pas faire les commentaires qu'on va devoir gérer, putain. il n'empêche qu'il y a quand même, je ne sais pas où en sont les discussions, mais il y a quand même des échanges qui sont en cours pour savoir est-ce que certains concepteurs de vaccins donnent des droits de production à d'autres industriels que eux. Ça pourrait être une idée. Important à suivre. Et alors, je ne sais pas ce que ça comporte exactement, mais a priori, Sanofi aura annoncé qu'il produirait une partie du vaccin Pfizer aujourd'hui. Pfizer. Alors, je ne sais pas. Ils vont faire la dernière partie, ce qu'ils appellent le fil, je ne sais pas quoi. En tous les cas, il y aurait une coopération. Et ça qui va beaucoup initiée. Jouer sur les quantités disponibles aussi. Donc, moi, je reviens à ma question. À toi. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu faire. Au lieu de balancer là des vaccinations avec on vaccine et puis on utilise tous les stocks puis on attend qu'on recharge les stocks machin, est-ce qu'il n'aurait pas vu mieux faire une dose de charge, c'est-à-dire qu'on aurait on attend un mois de plus où, voilà, et on charge, on produit du vaccin pleine balle, on en fait plein, et à un moment où on a une certaine dose critique, là on commence à vacciner parce que ça permet de, justement de pouvoir commencer, de rentrer dans une dynamique vachement plus... Donc toi tu commençais à vacciner en juin quoi. Non, pas en juin, pas forcément en juin, mais par exemple, voilà un truc très con, mais tu te mets autour de la table, tu dis bon écoutez, on a besoin de produire des trucs, on se met tous d'accord, on fait des accords de machin. Alors je sais que c'est des logiques industrielles, hein, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais c'est même pas des logiques industrielles, là c'est des logiques qui sont politiques en fait. La France devait démarrer sa campagne de vaccination 2 semaines plus tard de l'Allemagne. T'as vu comme ils se sont fait chier sur la gueule? Non mais oui. Oui mais à un moment ou un autre, les décisions politiques aussi, il faut savoir poser ses bollocks sur la table et dire ok, on va faire ça comme ça parce que ça nous permet de faire mieux. N'oubliez pas quand même que tout ça va très très vite, hein. Les études de Pfizer et Moderna sur l'efficacité où ils se battaient à coups de pourcent, c'était début décembre, hein. Ouais. C'était pas il y a 2 ans. Hein. Ma réflexion était fin décembre, j'ai même plus la date. Quoi. Ma réflexion n'était pas savoir vitesse, s'il fallait le faire, mais c'est qu'est-ce que vous en pensez du fait de, si on avait décalé, ne serait-ce que d'un mois et demi, pour avoir vraiment une charge de vaccins. C'est-à-dire que, au lieu de tirer à flux tendu, la réelle bonne question qu'ils se sont posées, c'est est-ce qu'il fallait décaler la seconde dose? Une vraie question. C'est Olivier Véran, il est revenu sur ses déclarations. Oui. Il avait dit on va allonger. Aujourd'hui, ils ont dit non. Voilà. Est-ce qu'il faut mieux Il faut mieux 2 millions de personnes mal vaccinées qu'1 million de personnes bien vaccinées pour contrôler l'épidémie. Mais très bien. Sébastien Hans, vous avez 4 heures. Go. Alors, moi, je vous avoue que j'étais très satisfait du revirement de situation par rapport à la ville de la HAS. Oui. Parce que l'allongement l'espacement entre les deux doses me semblait pas être une idée qui était, on va dire, sur le plan stratégique, particulièrement efficiente. Parce que en fait, on aurait vacciné effectivement peut-être plus de personnes. Mais... On va peut-être rappeler ce qui s'est dit. Du coup, Olivier Véran parlait d'allonger la durée entre la primo-vaccination et le rappel à 6 semaines, alors qu'il n'y a rien, entre guillemets, dans les tests qui ont été réalisés véritablement qui indiquent que les niveaux d'efficacité, tout ça. Et au final, ont été faits avec 3-4 semaines entre les deux. 3-4 semaines, c'est ça, 21-28 jours. Et là, il est revenu sur sa parole parce qu'il commençait à y avoir une petite grogne sur le monde universitaire et scientifique. Je te laisse reprendre, c'était juste pour contextualiser, peut-être que les gens ne suivent pas. Donc je préfère remettre une pièce dedans. Oui, tout à fait. Et donc, le risque, c'était effectivement d'avoir pu vacciner un peu plus de personnes, mais avec des résultats, alors ce sont ceux des études, hein, qui montrent qu'avec une dose, on est de l'ordre de 50% de protection. Donc, oui. Finalement, on aurait eu plus de personnes, mais très mal protégées. Mmh. Donc, finalement, en termes d'efficacité pour limiter la propagation d'un virus, c'est assez mauvais et c'est même l'inverse où on risquait d'augmenter justement cette fameuse pression de sélection parce que les gens auraient eu finalement un petit peu d'anticorps et puis on aurait majoritairement sélectionné des virus qui auraient pu qui auraient tendance à échapper à cette protection grâce aux anticorps. Pour revenir à un truc que les gens connaissent peut-être un peu mieux, qui est plus familier, ça aurait été l'équivalent de prendre un traitement antibiotique en s'arrêtant au milieu. C'est ça. Tout à fait. Bien, ouais. D'accord. D'ailleurs, dans le monde médical, tout le monde était assez, que ce soit Dominique Costagliola ou autre, toutes les voix et même. C'était assez consensuel. Voilà, c'était assez consensuel qu'il fallait pas. C'est tellement consensuel que la HAS, et on me demande de ne pas utiliser d'acronyme, la Haute Autorité de Santé, régie par Dominique Le Guludec, a émis un avis qui disait ouais, ok pour les 6 semaines. Je veux dire, il y a bien. Dans la réalité de terrain, je ne sais pas autour de vous, mais la plupart des médecins, des infectiologues, des virologues que je connaissais disaient le contraire. Mais d'où ça sort? Pourquoi ça? Pourquoi maintenant? Pourquoi on dit OK, cool? Alors qu'on s'appuie sur rien, c'est là où c'est assez fou, quoi. Enfin, c'est assez curieux, effectivement, d'avoir pu prendre cette décision sans support scientifique, sans preuve scientifique. D'accord. Donc là, on est sur un revirement et c'est plutôt un soulagement, quoi. C'est plutôt mieux de suivre les recommandations sur lesquelles on a basé nos études. Je ne sais pas si on peut dire un soulagement, parce que ce qui se passe sur le terrain, là, actuellement, c'est qu'on a eu une baisse de dose de 20% de la dotation de la France, ce qui fait qu'on est en train d'appeler des gens pour annuler leur rendez-vous. Et autant, alors moi je ne l'ai pas fait, mais ma femme l'a fait ou Sébastien l'a fait, quand vous vaccinez, c'est presque une partie de plaisir, il n'y a que des gens heureux en face de vous. Mm-hmm. Appeler pour leur dire qu'ils sont... les appeler là pour leur dire à des personnes de plus de 75 ans, hein, qui seront vaccinées que, que début mars, je ne pourrais pas être la secrétaire. Hein. Donc, sur cette partie psychologique, c'est pas spécialement un soulagement. Il y en a qui crient au scandale. Après, d'un point de vue scientifique, oui, c'est un soulagement. Mmh. Ouais, alors, du coup, on fait moins, mais plus efficace pour éviter l'émergence des variants. C'est ça un petit peu le concept actuellement. Après, politiquement, ça aurait été intenable. C'était prendre un risque, à mon avis, qui était inconsidéré pour essayer de gagner quelques semaines. Sur le court terme, peut-être que ça se vaut, et tu as raison, hein. Quand tu le dis, Jérôme, c'est, effectivement, ça aurait été peut-être un peu plus sympa pour les gens, mais à terme, ça aurait pu avoir une conséquence désastreuse, quoi. Puis de toute façon, on a le Royaume-Uni qui fait un peu n'importe quoi avec les vaccinations, qui servira de banc test, hein. On va bien voir ce qui se passe. Hein. Ah, là, la seule chose dont je suis certain, et je laisse encore une fois Sébastien qui a tenu un centre de vaccination, c'est qu'il n'y a rien qui est jeté. Vous avez des gens qui se donnent à fond. Alors, au début, ils le faisaient sur des soignants parce que c'est ce qu'ils avaient sous la main et ils appelaient des gens de moins de 50 ans, ce qu'ils avaient sous la main. Actuellement, sur les plus de 75 ans, ils ont une liste. Et ma femme me disait que à la montagne, qu'il y a des gens qui, on vous les appelait à 4h un samedi après-midi, à 4h30, ils étaient là. Hein. Avec leur cadre, leur déambulateur pour se faire vacciner. Hein. Parce qu'ils étaient, c'est pas une liste d'attente, mais ils étaient prévus pour le lendemain, le surlendemain, et puis on décale à chaque fois qu'il y a. Et l'objectif, c'est, à ma connaissance, je n'ai jamais vu la moindre dose gâchée. Je sais pas comment c'était passé quand tu as vacciné toi, mais c'est. Non, tout à fait, effectivement, puisque la problématique avec ce vaccin Pfizer, c'est il est sous forme de flacon. Mmh. Qui comporte 5 ou 6 doses, c'est un petit peu la discussion, mais en tous les cas, un nombre multiple de doses, c'est-à-dire qu'il faut les préparer avant effectivement d'injecter une dose à chaque patient. Et évidemment, on n'a pas forcément un nombre de rendez-vous systématiquement qui est un multiple du nombre de doses réalisables avec le nombre de flacons. Donc quand on arrive avec le dernier patient qui arrive avec son rendez-vous, il nous reste éventuellement, ça peut être la première dose sur les 5-6 doses du dernier flacon. Et donc, de ce fait, il reste 4 ou 5 doses de marge. Et dans ce cas-là, effectivement, on n'en a jamais jeté une seule. On bat le rappel et effectivement pour vacciner le maximum de personnes. Et il y a toujours un cul qui sera disponible et ça, c'est beau. Généralement, alors après, c'était même dans un message sur la première étape qu'on vaccinait que les soignants, c'était même on pouvait vacciner n'importe qui, entre guillemets, j'en ai bénéficié, on pouvait être là en 10 minutes et sinon la dose allait à la poubelle. Alors maintenant, et c'est heureux, c'est plus les soignants qui n'ont pas de facteur de risque comme moi qui sont vaccinés le plus rapidement possible parce qu'on a pu commencer les plus de 75 ans et on arrive à trouver des plus de 75 ans qui ont nettement beaucoup plus de risques que moi et qui vont débarquer. Pour se faire vacciner, mais c'est quand même, il y a rien qui est jeté. On est le 26 janvier, on a dû faire 1 200 000 doses. Les objectifs sont tenus. Après, l'impossible n'est tenu. Les doses, on les a pas. On pourra. Les doses, on les a pas. J'ai rien à dire de plus là-dessus. Justement, je pense que c'est peut-être important de rappeler ça. Il y a eu une communication de l'OMS la semaine dernière pour signaler que dans, on va dire, ce qui est considéré comme les pays pauvres, il y en a énormément qui n'ont même pas pu vacciner. Et il y a des pays où le nombre total de vaccinations faites s'élève à 25. Pas 25 000, hein, 25 pour tout un pays. Donc oui, la situation en France n'est pas évidente et les prévisions de vacciner tout le monde d'ici l'été sont clairement optimistes. Mais en fait... une pandémie, ça se gère à l'échelle mondiale. Et nous, en ce qui concerne la vaccination, on est quand même du côté privilégié de tout ça. C'est vrai. Mais d'ailleurs, ça pose des questions. Est-ce que du coup, vu qu'on n'avait pas, on n'a pas suffisamment de doses pour vacciner notre population, est-ce que les pauvres doivent aller se faire foutre, assez simplement, tout ce qui est pays du tiers-monde Si tu veux pas que ça te revienne comme un boomerang dans quelques années. Non, ne coupez pas ce machin. C'est voilà. Clairement, à un moment où tu peux pas vacciner ta population, est-ce qu'il est licite de dire je vais envoyer quand même la moitié des doses que j'ai à ma disposition au Sénégal? En termes de géopolitique, ça c'est une vraie question. C'est-à-dire, est-ce que ça vaut le coup de dire le tiers monde, il va attendre que tout le monde se vaccine chez nous et après il verra bien quoi. Je ne suis pas du tout convaincue que ce soit la bonne stratégie, mais quand même, en pratique, c'est un peu ce qui est en train de se passer. Mais c'est ce qui va se passer en pratique, hein, de toute façon. Et si j'ai bien suivi, c'est plutôt le vaccin chinois qui est en train d'être positionné avec comme objectif d'être distribué sur les marchés des pays plus pauvres où les vaccins ARN messagers n'ont pas été déployés pour l'instant. D'accord. Mais on verra comment ça évolue. Mais à mon avis, dans les mois qui arrivent, on va avoir... des guerres économiques et des vraies questions de problématiques humanitaires qui vont se poser là-dessus. Et on réinvitera Jean Massier et Erika pour discuter de tout ça. C'est important. Non, mais c'est vraiment une question socio-économique qui est très importante. Enfin, c'est une pandémie, ça ne va pas s'arrêter. Enfin, je vois beaucoup de monde qui dit il faut fermer les frontières. Et on a quand même des échanges. Hein. On ne peut pas juste dire non, mais les pauvres, on ne les écoute pas. Et là, ça n'existe pas. Il y a une problématique qui est un peu les pays qui sont les îles ont un peu plus de bol à ce niveau-là. Oui, c'est quand même plus simple effectivement de confiner quand t'es la Nouvelle-Zélande que quand t'es pas une île, quoi. Enfin, simple, voilà. Effectivement. Oui, mais la Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern a déclaré, je crois que c'était cette semaine, hein, que les frontières réouvriraient normalement quand la population néo-zélandaise serait vaccinée. Oui, mais les Australiens, je ne sais pas si vous avez vu l'article, je ne sais plus, c'était dans Le Monde ou autre, sur les joueurs qui allaient à l'Open d'Australie. C'est pas une septaine qui se sont pris dans la figure, hein. C'est impressionnant. Ah oui, mais c'est compliqué. Hein. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment des grosses questions pour l'avenir, là, ce que ça va donner et tout ça. Mais effectivement, il va falloir aussi qu'on investisse aussi sur ces pays en développement, sur les pays émergents aussi, parce que on vit pas dans un vase clos, quoi. Il va falloir remettre de l'échange économique. La chance qu'ils ont, ces pays en développement, c'est qu'ils ont généralement une pyramide des âges qui est assez favorable pour cette épidémie. Ce qui les sauve un petit peu, parce que c'est un vrai problème, hein, c'est pas ce que je dis, mais leur pyramide des âges les sauve un petit peu, ce qui leur évite une catastrophe sanitaire encore plus importante avec des morts dans tous les sens, quoi. D'ailleurs, on parle de ce vaccin chinois, mais vous avez des données sur le Sinovac, sur le vaccin russe, tout ça, parce que je ne vois rien. Ils appellent comme ça le Sinovac. Les Cubains ont fait un truc ou pas ? Oui, les Cubains ont fait un truc. Mais j'ai vu passer que des données indirectes, moi. C'est-à-dire des estimations d'études faites au Brésil avec le vaccin chinois ou ce genre de choses, mais toujours équivalent de communiqués de presse. De publications, effectivement, sur ces données. En tout cas, sachez que Jean-Luc Mélenchon est très déçu qu'on ne puisse pas utiliser ces vaccins dont on ne sait rien. Bon, voilà. Enfin, Eric Como aussi avait dit qu'il préférait se faire vacciner à l'ambassade de Chine. C'est ce que je disais aujourd'hui, ce week-end, je crois. L'élection présidentielle à venir va être un vrai bonheur. Ça va être goldé à tous les niveaux. Mais écoute, pour l'instant, c'est quand même pas le festival de l'intelligence. Hein. Toutes les déclarations à l'emporte-pièce, ça me donne envie de chialer quand même. Oui, c'est pour ça que je dis, ça va être goldé de chez goldé, quoi. On va avoir un festival de la connerie, ça va être la surenchère, la foire à la saucisse. Ouais, sur la vaccination, parce qu'au début, rappelez-vous, c'était il y a 3 semaines, hein, c'était pas il y a 6 mois. Hein. Tout le monde se plaignait qu'on avait les doses, mais qu'il fallait qu'on vaccine H24, etc., etc., parce qu'on n'était pas foutu d'ouvrir des centres de vaccination comme les Allemands ou autres. La vérité maintenant, c'est que des centres de vaccination, on pourrait en ouvrir 10 fois plus, ce qui veut dire que, et puis il y avait la polémique où il fallait pas vacciner dans les centres de vaccination mais que dans les cabinets des généralistes, ce qui veut dire que dès qu'on aura les doses en une semaine, on peut être très très efficace. Il faut aussi féliciter les pouvoirs publics au sens large, hein. Il n'y avait pas besoin d'Amazon, des logisticiens ou de l'armée pour le faire, les hôpitaux, les ARS l'ont géré d'une main de maître. La consulte concernant ces vaccins chinois ou russes, si on n'a pas de données, est-on sûr qu'ils fonctionnent ? C'est un peu le problème, mon pote. Quand on n'a pas les données, ça donne l'hydroxychloroquine. Quand on n'a pas de données, on te dit si vous m'injectez ça, qu'est-ce qui va se passer ? Tu peux répondre. C'est ce qui est un peu chiant, en fait. Non, on aimerait bien pouvoir répondre aux patients des trucs un peu plus intéressants que. Voilà. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas acheté. Mais effectivement, si on arrive avec des données robustes, reproduites, en disant que c'est un vaccin qui protège à 90%, je pense qu'on peut acheter russe, même chinois, ça ne pose pas de souci. C'est juste que, ben, il faut des datas, quoi. Et en général, l'avantage des recherches à l'échelle européenne, c'est qu'elle est à peu près basée sur les mêmes standards. C'est-à-dire qu'on attend à peu près les mêmes standards d'efficacité, les mêmes, la même rigueur scientifique. Et c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas forcément sur ces terrains-là. Mais je le disais la semaine dernière, les prochains prix Nobel de médecine, on les tient. Hein. Oh bah celui de l'année prochaine, j'ai oublié le nom de l'Hongroise qui a inventé les nanoparticules. Ouais, voilà, bah, moi, je prends les paris. Voilà, moi, je prends les paris sur elle et puis sur les deux Allemands d'origine turque. Alors, normalement, vu comme ça avance le prix Nobel, ils l'auront quand même en 2044. Donc, on les félicite. Non, regarde, pour les trous noirs, je pense que ça ira beaucoup plus vite. Les ondes gravitationnelles, ils ont fait la découverte l'année d'après, ils ont eu le prix Nobel. Donc, Marie Curie à l'époque, ou sur des trucs majeurs, et là, c'est vraiment un saut majeur sur la médecine. Hein. Ouais, oui, pour moi, c'est l'une des plus grandes avancées Même CRISPR-Cas9, c'était une super avancée, et ça a mis son temps quand même. Ça a mis une dizaine d'années. Oui, c'est ça. Ça n'a pas mis 30 ans non plus. Non, mais là, sur un coup comme ça, c'est pas l'année prochaine, c'est l'année d'après. Et clairement, pour les Nobel de cette année, il y avait déjà une grosse thématique virologie. Ça sera pas Raoult. Donc, je pense que le Nobel de l'année prochaine, ce sera à thème virus pareil. Hein. Ah, bah oui. Regarde Barry Marshall pour l'ulcère de l'estomac. Il l'a eu en 2004, le prix Nobel. L'hélicobactère Il l'a eu en 2004, le prix Nobel. C'était pas longtemps avant quoi qu'il avait fait son étude australienne là. Bon, écoute, je sais pas, mais bon, en tout cas oui, ça prend son temps. C'est con parce que c'est quand même l'inverse de l'ambition du prix Nobel, hein. Quand Nobel il dit je crée mon prix, c'était justement pour motiver les mecs qui étaient en début de recherche et pour leur filer du pognon, pas c'était pour même essayer... censé être les découvertes de l'année écoulée, ouais, à la base. Comme quoi. Ben oui, c'était pour filer du pognon à des mecs qui ont des recherches émergentes et pour les booster, pas pour filer de la thune à des mecs de 80 balles. Ouais, et ils ont toujours pas modifié leur truc où si t'es pas vivant au moment de recevoir ton prix, t'es pas nommé, tu peux pas le recevoir à titre posthume. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Moi, on peut discuter. Il y a plein de problèmes des Nobel, mais effectivement, si tu veux encourager la recherche, ça sert à rien de le donner à des gens morts globalement. S'il fait partie de l'équipe, ça se fait, tu vois. Oui, mais un des soucis, c'est surtout que les Nobel ne peuvent pas être donnés à plus de 3 personnes, sauf celui de la paix qui est régulièrement donné à des organisations et qu'en fait, plus ça va, moins la science fonctionne par du travail individuel, en fait. Là, on a quelques noms qui ressortent sur les vaccins à ARN, par exemple, mais en fait, on pourrait donner des prix Nobel juste pour le travail qui a été fait pendant cette crise sanitaire à des centaines de personnes, dans l'absolu. Oui, bien sûr. On pourrait même donner des prix Nobel aux mecs de Pasteur qui ont fait leur test et que ça ne marche pas et qui se sont quand même cassé le cul et ils sont juste partis sur la mauvaise piste. Hein. Désolé les gars, mais c'est quand même du gros taf. Hein. Moi, j'aime bien aussi remercier les gens qui en ont chié, qui sont partis sur une piste qui n'était pas forcément bonne et qui disent « bon, ben ça ne marche pas, au moins on a testé le truc avec la rougeole. » Et qui ont la décence de le dire. Mauvais bail, laissez tomber les potes, ça ne sert à rien. Ben voilà, c'est... On n'a pas forcément la bonne idée au bon moment, quoi. Et c'est souvent du hasard et un peu de chance, quoi. On va être sur la fin. On va faire des bisous, répondre aux questions. Pensez-vous qu'un passeport vaccinal aurait une incidence sur la pandémie ? Pas en ce moment. Hein, clairement, il faudrait qu'il y ait une couverture vaccinale beaucoup plus importante, un vaccin disponible. Mais je pense qu'on y viendra, à titre perso. Hein, moi aussi, je pense qu'on y viendra. Mais que là, l'annoncer en ce moment, alors que les gens qui veulent se faire vacciner ne peuvent pas, c'est politiquement stupide. Je rappellerai complètement... à l'aimable assistance que le passeport vaccinal existe déjà et que personne s'emmerde avec. Je veux dire, vous êtes obligé d'avoir des certificats de vaccination pour aller dans certains pays, pour certaines pathologies. Et tout le monde s'en fout. Donc, Mais même, de toute façon, vous avez des vaccinations obligatoires pour inscrire votre enfant à l'école, pour l'inscrire à la crèche, pour l'inscrire dans un club de sport, tout ça, c'est normal. Pour faire certaines études à la fac. C'est ça. Si vous voulez, par exemple, faire médecine, il faut vous être vacciné contre l'hépatite B. Exactement, ouais. Voilà, donc il viendra un moment où pour faire certaines activités, certains trucs, on vous demandera d'avoir des vaccinations à jour. Vous appellerez ça un passeport vaccinal ou pas, Mais voilà. Le terme passeport n'est pas forcément indispensable. À... Non. Mais après, oui, croyez bien que pour aller aux États-Unis en Nouvelle-Zélande, il va vous falloir un petit tampon sur le truc pour prouver que vous d'ailleurs, avez passé. D'ailleurs, je ne sais pas vous, mais ils m'ont donné un petit carnet, un truc. Ouais, moi j'ai un certificat, ouais. Un certificat, ouais. Un certificat. C'est vrai que ça pourrait permettre, par exemple, de prendre l'avion sans avoir un test à faire 72 heures avant. Ils auraient pu faire un PIN, c'est quand même plus sympa. Si la vaccination permet de vérifier que tu n'es pas contaminé. Contagieux. Quand tu n'es pas contagieux. Oui, parce que sinon, c'est balèque frère, tu fais ta PCR. C'est ça. Ça, mais je pense que c'est après... peut-être un point sur lequel on peut insister 10 secondes, juste. Ouais. Il est faux de dire que ces vaccins ne protègent pas de la contamination. Oui. Il est vrai de dire qu'on n'a pas encore formellement démontré qu'il protège. Mais ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas encore démontré qu'on sait que c'est faux. Comme il y a plein de raisons de penser et plein de données préliminaires qui suggèrent que oui, ils vont avoir un effet sur la contamination. Juste logique, oui. Quand on est rigoureux, tant qu'on ne l'a pas formellement exactement. Démontré, on s'avance. Et voilà. C'est comme pour dire que c'est inefficace chez les personnes de plus de 75 ans. Ce n'est pas que c'est inefficace chez les personnes de plus de 75 ans, c'est qu'on n'a pas les données. C'est-à-dire que toute personne qui commence à vous dire genre réinfo Covid, qui dit ce qu'on sait sur le vaccin, il n'est pas efficace sur les personnes de plus de 75 ans, il n'est pas efficace pour diminuer la diffusion du virus, ça s'appelle de la manipulation, c'est moche, c'est pas beau, c'est nul. Des précautions dans ce qu'on dit, avoir une certaine prudence épistémique, une prudence donc sur la manière dont on produit de la connaissance et donc une certaine prudence dans ce qu'on dit parce qu'on n'est pas sûr, ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas, ça veut juste dire qu'on est prudent. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout entretenu dans cette crise, c'est la prudence. Voilà, on a été très prompt à affirmer des choses et on n'a pas eu la présence d'esprit de un peu de prudence. C'est pas parce qu'un mec dit « Ouais, moi j'ai fait des tests dans mon hôpital, j'ai des super résultats », comme on a pu le voir encore ce week-end, attendons-nous avec méthode. Voilà. Est-ce que je peux évoquer un dernier sujet, tant qu'on parle de biologie ? Un grand plaisir. Parce que ça va être le sujet qui... Parce que j'ai ouï dire qu'il va y avoir des annonces du ministère dans les 48 heures sur le sujet, c'est la salive. Ah. Donc, les tests salivaires. Les tests salivaires. Ah. Je vais redire ce que je dis depuis un an en permanence. Faire une PCR sur la salive ou faire une PCR sur un nasopharyngé, pour moi, c'est la même chose. D'un point de vue technique. Il faut distinguer deux choses. Je pourrais même vous faire une PCR en vous frottant la joue, sur le pied, etc. On fait une PCR sur un prélèvement. Ce prélèvement-là peut venir de n'importe où. La bonne question, c'est est-ce qu'il y a du virus dans le prélèvement et où est-ce qu'il y a le plus de virus ? Classiquement, dans la COVID, plus on va profond, plus il y en a. Si vous faites ce qu'on appelle un liquide de lavage bronchoalvéolaire, vous allez en avoir pas mal. Mais faire un LBA drive en mettant un liquide de lavage bronchoalvéolaire, c'est vous mettez de l'eau dans les poumons et vous respirez cette eau-là, donc vous noyez volontairement les gens, c'est pas hyper acceptable. Alors, on va continuer à monter sur des choses qui sont plus acceptables. En réanimation, ils font des fibro-aspirations, des choses comme ça. Et puis après, ce qui est acceptable en ambulatoire, c'était aller faire un nasopharynx profond où vous allez mettre un écouvillon jusqu'à peu près là. Mais il y a chez certaines personnes où ce n'est pas acceptable. Donc, on a essayé de faire autre chose et de continuer sur des prélèvements encore plus superficiels. La salive et l'oropharynx sont des prélèvements qui peuvent être contributifs, mais qui le sont moins qu'un prélèvement plus profond. Donc, il faut arrêter de confondre la technique, qui est la PCR, avec le prélèvement. Là où je veux en venir, c'est qu'il y a une boîte qui s'appelle EasyCov, qui a fait quelque chose qui est pas mal, hein, qu'on utilise chez Abbott, qui n'est pas de la PCR, mais de la RT-LAMP. Alors, je ne vais pas revenir sur le détail, mais ça reste de la biologie moléculaire, quoi qu'il arrive dans les deux cas. Et l'avantage de la RT-LAMP, c'est qu'il n'y a pas besoin en soi d'automate. Il y a besoin juste d'un ce qu'on appelle un bain-marie, c'est de faire chauffer un petit peu. Ce qu'a fait EasyCov, c'est qu'ils ont voulu jouer sur deux tableaux à la fois et de dire que en faisant de la salive et de la RT-LAMP, en gros, vous pouvez faire le test sans laboratoire. Et on a assimilé dans le grand public, dans les médias, le prélèvement salivaire à cette technique de Montpellier, EasyCov. Ça n'a rien à voir. On peut faire des prélèvements salivaires. Moi, j'en fais, je ne sais pas si tu en as, Sébastien, mais on en a quasiment tous les jours dans des hôpitaux psychiatriques, chez des enfants où on n'a jamais pu. On a fait des prélèvements moins profonds qui répondent peut-être un peu moins à la question, mais qui sont plus acceptables que de rien faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut généraliser la salive et que la salive va remplacer le rhinopharynx profond, comme on va l'entendre dans les médias dans 48 heures. L'idée que j'ai cru comprendre du ministère, c'est que pour des campagnes de dépistage, type école ou type entreprise, l'acceptation du rhinopharynx profond chez des asymptomatiques est assez faible et qu'il faut mieux faire des salivaires plus larges que des rhinopharynx qui sont moins acceptables. Vous avez aussi des techniques qui sont moins sensibles. Le test antigénique est moins sensible que la PCR et en gros, on peut moins sensible, moins de capacité à trouver voilà. Les malades. On peut penser que un test antigénique en rhinopharynx profond est aussi sensible qu'une PCR en salivaire et qu'il est plus acceptable dans une école de faire une classe en salivaire et d'avoir un labo qui vous donne la réponse le lendemain que de faire tout le monde avec des tests antigéniques comme l'a dit Jean-Michel Blanquer dans l'école. Donc c'est là où on en est. Il n'y a rien de nouveau. Sur la rougeole, on faisait des rhinopharynx, on faisait des salives depuis des années. Je ne sais pas si tu veux compléter, Sébastien. Mais... Oui, effectivement, la localisation où on va faire le prélèvement conditionne complètement le résultat, puisqu'en fait, on sait que la quantité de virus pour un individu donné n'est pas forcément la même en fonction des localisations. Donc après, l'idée de tous ces tests, comme l'a dit Jérôme, c'est effectivement d'optimiser la facilité de prélèvement. Et donc, pour des personnes pour qui ce serait difficile d'aller faire un prélèvement rhinopharyngé, on peut préférer la salive. Après, l'idée, même si effectivement on perd peut-être un peu en sensibilité, c'est qu'on va quand même pouvoir détecter avec, par contre, une technique suffisamment sensible, qui est la PCR, pouvoir détecter les individus les plus contagieux. Et donc, sortir ces individus-là, les isoler. Et on n'a pas vraiment parlé d'ailleurs de ça ce soir, mais c'est peut-être là où le bât blesse encore un peu. C'est dans cette stratégie de tracing et d'isolement et qui peut faire un petit peu plus peur avec un variant qui se transmet plus facilement. Parce qu'effectivement, je pense que dans la stratégie actuelle, quelles en sont les raisons, c'est difficile. Je pense que c'est quand même très compliqué, compte tenu du nombre de cas, à tracer tous les contacts et à les isoler correctement. Mais je pense que si on pouvait être plus efficace, je ne suis pas magicien, je n'ai pas forcément de solution évidente à proposer, mais si on pouvait être plus performant dans le tracing et l'isolement, je pense qu'on... Nous, à l'hôpital, on est en train de former des médiateurs, c'est un nouveau truc, là, des espèces de brigades qui vont aller voir les gens. Ouais, je pense qu'il faudrait être plus interventionnel de façon générale. Je pense aussi, être plus efficace. Est-ce qu'on peut réellement faire du contact tracing efficace avec 25 000 nouveaux cas jour? Bah c'est ça, c'est la vraie question, que je me pose aujourd'hui, parce que j'ai pu constater à plusieurs reprises des défauts dans le système de maillage. Oui, non, mais ça... On l'a tous constaté. Hein. Moi, j'ai été cas contact la semaine dernière, personne ne m'a jamais contacté. Je l'ai su parce que c'est moi qui ai fait l'analyse. Il y a le contact et le tracing, mais il y a aussi l'isolement derrière. C'est ça, et il y a aussi des moyens à mettre en œuvre pour que les personnes identifiées comme cas contact puissent s'isoler, ce qui n'est pas si évident que ça en fonction du métier, en fonction de l'endroit où on vit, du nombre de personnes dans le foyer, etc. C'est ça. Une personne seule peut peut-être lui apporter ses repas, etc. Enfin, ça demande une logistique qui est colossale. Il y a des pays qui ont mobilisé les hôtels, par exemple, pour faire ce genre de choses. En France, je crois que ça s'est fait à un moment, mais c'est pas quelque chose qui est très... Après, utilisé. D'un autre côté, ça fait 11 mois qu'on est là-dedans. Franchement, même si vous n'avez pas encore de test et que vous avez de la fièvre et le nez qui coule, on peut s'isoler tout de suite. Il n'y a pas besoin d'avoir le test PCR immédiatement pour commencer à se dire... Enfin, moi, mon gosse, demain, il a 38,5 de fièvre et le nez qui coule. Je ne vais pas aller le mettre à l'école, même si je n'ai pas le résultat du test dans la minute. Oui, pour le cas index, mais pour les contacts, c'est plus compliqué. Oui, non, mais d'accord. Mais là, on en est encore, et je vois pas mal de médecins généralistes ou même ma femme hein, en pédiatrie, où ils reçoivent des demandes de rendez-vous, a de la fièvre et le nez qui coule depuis 5 jours et a perdu le goût. Qu'est-ce que ça peut être? Je ne sais pas. Non, mais après, tu peux voir des gens très intelligents, hein, et j'en ai. Hein. D'ailleurs, je salue tous les membres de ma famille hein, qui doivent être là. Mais je peux connaître des gens, par exemple, qui savent qu'ils sont cas contact, qui font une PCR, qui vont aller voir leurs potes, discuter avec eux, prendre un apéro, tout ça, et revenir en disant « Oui, regarde, je suis positif. » Oui, il y a aussi des gens qui sont positifs ou cas contact qui voudraient s'isoler et qui ne peuvent pas concrètement ne pas envoyer leurs enfants à l'école parce qu'ils sont obligés d'aller travailler, etc. C'est ça. Mais il y a tout un tas. Il y a des situations sociales. Il y a aussi ben, les gens qui se disent « Oh, ben, ça ne peut pas m'arriver » et puis ça leur arrive. Puis voilà, il y a aussi une sorte de sidération. C'est-à-dire qu'il y a aussi pas mal de personnes que le Covid, ils en ont entendu parler à la télé et quand ça leur tombe sur la poire, ils disent « Ah !» De toute façon, il y a un truc à peu près certain qu'on voit là depuis un an, quand dans une maison il y a un cas, c'est quand même mal barré. Vous pouvez faire ça. À peu près ce que vous voulez en essayant de vous isoler de votre conjoint, de vos enfants, d'aller dans une autre pièce. Alors ça marche de temps en temps, mais c'est relativement mal barré. Ça marche moins bien. Donc le foyer ramasse quand même assez systématiquement, ouais. Et même dans les bureaux, hein, si vous êtes dans le bureau avec la même personne toute la journée, si elle a le Covid en général, même si vous avez le masque, même si vous faites très attention, vous mangez. Un peu plus avec le masque quand même. Mais dans les bureaux, on a réussi à s'en sortir. Mais dans le même foyer, et moi j'ai eu des trucs qui étaient terribles, hein, parce qu'en plus avec des gens qui faisaient attention et qui faisaient vraiment ce qu'il fallait, donc ils sont contaminés, mais chaque fois, les quatre membres de la famille avec une semaine d'écart. Donc ils restent confinés globalement tous ensemble, six semaines. C'est love story. On détourne. Mais après, ouais, et après les mecs, quand tu leur dis, ben, ça fait trois semaines, il est temps de retourner taf, quoi. Il y a des mecs qui sont chefs d'entreprise, il y a des mecs qui ne peuvent pas s'arrêter, quoi. Et du coup, on prend des risques, évidemment. Mais voilà, mais il y a tous ces pendants. C'est-à-dire, il faut avoir les contacts, il faut tracer les contacts et surtout, il faut proposer des solutions aux cas contacts. Voilà, et ça signifie leur simplifier la vie sur leur démarche administrative, pas leur casser les couilles pour les arrêts de travail et tout ça, leur trouver des solutions d'hébergement lorsque ça s'impose, leur trouver des solutions pour leur filer à bouffer pour qu'ils évitent d'aller à la grande surface d'en face et contaminer tout le monde. Enfin, c'est relou, quoi. Mais c'est une logistique à mettre en place. Si vous voulez pas, si vous voulez arriver à péter des chaînes de transmission, il faut y arriver, quoi. Mais c'est pour ça que quand je vois que les gens qui commencent à gueuler parce que oui, on va devoir flasher notre QR code à l'entrée des magasins pour savoir avec l'application tout sorti Covid et tout, bah, ils font ça en Corée et en Thaïlande depuis et au Vietnam depuis le début de la pandémie. Bon, bah, ils n'ont pas l'air d'être plus traumatisés que ça. Hein. Je veux dire, ça permet juste de faire des cas contacts. Plus tu vas étendre ton contact tracing et plus tu vas réduire la liberté individuelle de circuler. C'est comme ça. C'est, si tu vas pondérer. Effectivement, en Corée du Nord... Corée du Nord, on ne sait pas. En Corée du Nord, ils n'ont pas de cas. Le Covid c'est n'existe tout. Pas. Donc non, mais en Corée du Sud ou machin, c'est des mecs, tu leur dis bah, c'est comme ça ou tu fermes ta gueule. Et bah, les mecs, ils disent bah, merci, mais chez nous, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'il faut le mettre en place. C'est presque moins compliqué parce qu'on dit toujours qu'on est des gaulois réfractaires, qu'on est les pires, etc. Mais enfin, manifestement, en Angleterre, ils ont pour certains une notion du confinement, parce qu'ils sont officiellement dans un confinement strict. Quand on regarde dans les faits, il est assez élastique. Ouais. Ils n'ont pas une heure à un kilomètre. Ils ont une zone d'habitabilité. C'est vague, effectivement. Donc, c'est extrêmement compliqué. Donc, il y a l'acceptabilité et surtout, il faut accepter de réduire un peu certaines libertés. Mais il faut qu'on puisse avoir un débat, un vrai débat de société. Et je pense qu'il est important, ce débat de société, sur qu'est-ce qu'on accepte de sacrifier pour pouvoir ressortir au resto. Vous avez 4 heures. Voilà. Eh ben, ça fait 2 heures déjà qu'on embête des PUPH et les chefs de pôle. Oh là là. Donc, on va peut-être s'arrêter. Ça commence à bien faire. Et des virologues, médiateurs scientifiques, évidemment. Ne les oublions pas. Ils sont merveilleux. Ils sont toujours là, toujours debout, rassurez-vous. Et ça nous fait plaisir d'avoir aussi des bonnes dames qui se rendent disponibles. Et on est content que ce soit Tania. Merci à toi. Bon, un mot de la fin. On a fait plein de mots de la fin, mais peut-être un mot de la fin pour Tania. Qu'est-ce que tu aurais à dire ? Mot de la fin. Si, il y a peut-être un truc qui est quand même important à rappeler, parce que là, on entend parler de plein de variants et tout. C'était quand même le thème du live, même si on a pas mal dévié. Bah, ces variants ont des différences avec la souche d'origine, mais ils n'ont pas acquis de nouveaux modes de transmission. Mmh. Et c'est peut-être un truc qu'on ne dit pas assez. C'est en fait, on a les moyens de se protéger de ces variants, qui sont les gestes barrières qu'on recommande depuis des mois. Donc, si ça peut aider à juguler un peu la panique et à plutôt inciter à garder et à renforcer les bons réflexes, peut-être qu'il faut plus insister là-dessus que sur le point auquel ils sont résistants au vaccin, etc., ou pas. Ils se transmettent toujours de la même façon, donc les gestes barrières marchent toujours. Continuons à les appliquer, et c'est sans doute ce qu'on a de mieux à faire à notre échelle individuelle. En même temps, la bise, ça manque pas à grand monde. Non. Ça cassait les couilles à tout le monde. Je sais pas pourquoi on continuait de le faire, parce que c'était super énervant. Et tout le monde se vexait quand là, on faisait pas... Là, je suis pas sûr qu'on recommence un jour. C'est ah possible, ouais. Je rêve d'un monde où tu te fais pas la bise, hein, et où tu n'as pas l'infirmière ou l'aide-soignante qui se vexe parce que tu n'as pas fait la bise le matin. Parce que ça, c'était relou quand même. Hein, fou. Mais voilà, je bénis le monde sans bise. Voilà. Eh bien, écoutez, docteur Jérôme, autre chose? C'est tout bon pour vous? Non, moi, c'est optimisme. Chaque jour, et nous approche de la sortie. Ça fait plaisir. Le bout du tunnel, ça se voit. Tel le coloscope, on est très content. Professeur Hans, merci de votre venue. D'autres merci remarques. De l'invitation. Bah, écoutez, merci de l'avoir accepté. C'était formidable. Nous sommes très heureux. Eh bien, écoutez, merci le chat. Il y a un mec qui pose 25 fois la question sur la survie sur les surfaces. Ça devrait aller si tu lèches pas ta table ou la barre de métro. Franchement, au bout d'un an, quand on voit les contaminations, elles sont toutes humaines directes. Les contaminations par des surfaces indirectes, elles sont quand même négligeables. C'est ça. Le délire de nettoyer ses courses et tout ça, oui, ça peut exister. Mais non, mais c'est-à-dire qu'au début, on n'avait pas de données. Au début, on n'avait pas de données. Au début, on ne savait pas. Maintenant, on sait mieux. On sait plus. Après, elles sont peut-être aussi négligeables parce qu'on fait un peu gaffe, quoi. Si voilà, quelqu'un vient de tousser dans sa main, vous ne frottez pas les yeux sur sa main. Je redis quelque chose qui est très, très important. Cette année, il y a zéro grippe, zéro bronchiolite et, à ma connaissance, enfin au moins chez moi, zéro gastro. S'il y a des étudiants en médecine qui nous regardent, qui font de la médecine générale ou des choses comme ça, ou des ORL qui cherchent un sujet de thèse, je pense que l'épidémiologie des otites, l'épidémiologie de la grippe, l'épidémiologie de la bronchiolite aux urgences pédiatriques est un sujet de thèse en or à l'heure actuelle. Moi, je suis très nul en thèse, je ne suis pas PUPH, je ne sais pas faire ça. Et là non, encore, mais... pour tout ça, on peut dire merci aux gestes barrières. Mais oui, mais peut-être qu'on verra moins d'épidémies de gastro dans les années à venir. Des pédiatres au chômage. Mais non, mais au chômage, peut-être pas, mais peut-être voir des trucs, plus se concentrer sur d'autres choses, avoir plus de temps pour autre chose. Et là, on va encore repartir sur un live de 2 heures, mais je pense que les médecins généralistes, vu qu'ils ne voient plus de rhinopharyngite, des trucs comme ça, ils peuvent se concentrer sur d'autres trucs. Ah oui, il voit... C'est sûr que les épidémies hivernales, c'est quand même très consommateur de temps pour la médecine générale. Mais rassurez-vous, pour avoir une compagne généraliste, elle se rattrape assez bien sur les dépressions, l'anxiété, et tout ça. Il y a d'autres, c'est ça. C'est beaucoup plus fatigant parce que quand tu arrives, tu fais grippe, dégage, grippe, dégage, grippe, dégage. Et là, tu vois les gens, tu fais « Alors, ça va ?»« Non, ça va pas !» Oui, d'accord, mais... Ah, t'es parti pour 45 minutes de plaisir. Et voilà. Mais c'est normal, hein, c'est la période le veut. Donc, ouais, non. Les coqueurs, il n'y a que ça de vrai. Le généraliste ne glande pas. Ne dites pas ça, ce n'est pas bien. Bon. Donc, voilà. Donc il n'empêche que voilà, les masques, enfin les gestes barrières, c'est bien. Les surfaces inertes, ça devrait aller. Mais ne léchez pas l'intérieur du masque de votre voisin, c'est une mauvaise idée. Ni la barre du métro. Oui, non plus. C'est quand même bien. Il y a probablement plus grave à attraper que le coronavirus. Ne le faites pas, ne léchez pas vos sacs quand vous revenez des courses. Voilà. Mais normalement, si vous faites des trucs normaux, ça va. Ok. Voilà. Bon, je passe avec l'écran d'accueil. Parce que voilà. Il faut qu'on envoie à des gens qu'on aime bien. C'est ce que j'allais dire. Je passe à l'écran d'accueil pour pouvoir préparer le raid tranquillement, mais sans que vous voyez à l'écran tout ce que je suis en train de foutre. C'est juste ça. C'est formidable. Allez, le débat, chez qui on envoie? Qui c'est qu'on a comme... qui c'est qu'on a... Moi, j'ai... là, on a Cola, mais bon, on l'a déjà envoyé. On a Y Penser, Vicnet. Qu'est-ce que vous préférez, le chat? Vous, Y Penser. Les gens aiment bien Y Penser. Ouais. Bon, écoutez, Vicnet, ils sont 20, tu me diras. Mais... Vicnet, ils sont 20, c'est vrai. Là, je ne comprends pas ce que vous faites. On va envoyer les gens du chat. On envoie notre chat à d'autres individus qui... C'est comme si tu les forçais à changer. C'est assez... On va les faire zapper. Voilà. Bon, bah, écoute, ça, le chat a l'air de dire y penser. Donc, ça ne sert à rien, mais ça nous fait plaisir. Voilà. Je préfère Stardust. Mais on aime bien les deux, nous, en fait. Hein. Voilà. qu'est-ce qu'on fait, y penser ou on... Bon, bah, ce sera y penser ce soir. Mon gamin est un grand fan de Stardust, donc vous pouvez pourrir Stardust. D'accord. Bah écoute, il y avait Astronogeek, là on lui fait des gros bisous aussi. Mais je crois qu'il est allé se coucher. Ouais. Mmh. Bon, bah. Est-ce qu'il pensait à vraiment besoin de. Je sais pas. Le pire, c'est que moi, le lendemain, il me dit: mais t'as vraiment discuté avec Astronogeek? Comme si j'avais discuté avec Beyoncé, quoi. Bon, alors. Allez, y penser. C'est parti. Allez, y penser pour vous faire plaisir au chat, mais c'est vraiment parce que c'est vous. Merci à tous d'être super sympa. Je sais pas, est-ce qu'on rediffuse sur YouTube oui. ou pas? Oui, oui, on va rediffuser sur YouTube. Et on le met sur nos deux chaînes ou pas? Ouais, on peut, on l'a fait, ça passe. Ça a l'air de passer. Ça vous casse les couilles si c'est sur les deux chaînes ou pas? Parce que j'aimerais savoir. Y a un petit delta, mais on va voir. YouTube, c'est bien. Non, ça ne casse pas les couilles. Bon, on le mettra sur les deux chaînes. Ne vous étonnez pas s'il y en a deux qui se ressemblent. C'est normal. Je pense pas qu'on refera tous les trucs gaming. Là, je n'ai pas envie de les rediffuser. Non. Mais par contre, les vrais consuls, ça paraît bien. Hein, ça vous va si on fait ça? Bon, faisons comme ça. Allez, d'accord, faisons comme ça. Allez, c'est parti les gens. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée, le gros bisou. Bonsoir. Bonsoir.